Vous à ce sujet-là, ce sera super. Et puis je rappelle donc le mouvement Bleu Blanc Zèbre et puis les conversations à paraître aux éditions Erol en octobre prochain. À bientôt, Guillaume. On se retrouve demain. Vous savez ce qu'on va faire demain? On va donner à manger à notre cerveau. Oui, madame, oui, monsieur, notre cerveau est glouton et il a ses préférences dans notre alimentation pour être au top de ses possibilités. Cerveau, maos, costaud, ce sera demain en direct à 15h avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. L'information, c'est avec vous, Olivia Leray. Olivia. Bonjour à tous. Qui peut croire que les droits syndicaux sont bafoués dans notre pays? Réponse de Manuel Valls au député André Chassaigne à l'instant à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre s'est expliqué sur le revirement du gouvernement au sujet de la manifestation autorisée finalement demain contre la loi travail à Paris. Il précise que Bernard Cazeneuve et François Hollande ont été sur la même longueur d'onde pour permettre cela. Manuel Valls appelle aussi les syndicats à respecter leurs engagements quant au service d'ordre qui doit être déployé pour encadrer cette manifestation. Je vous rappelle que le parcours ne sera long que de 1 km au départ de la place de la Bastille. Chacun devra faire preuve de la plus grande responsabilité, dit le Premier ministre. De leur côté, la CGT et Force ouvrière crient victoire. Une victoire pour les syndicats et la démocratie. Ils appellent à participer massivement au rassemblement de demain à Paris. Le patron du géant européen Volkswagen demande pardon aux actionnaires. 9 mois après le scandale du Dieselgate, Matthias Müller s'est excusé d'avoir trahi leur confiance aujourd'hui. Le groupe avait admis en septembre 2015 avoir trafiqué un logiciel installé sur 11 millions de véhicules. Matthias Müller ajoute que cette histoire pouvait être salutaire d'une certaine façon, avec de nouvelles priorités pour le groupe, comme l'électrique par exemple. J-1 avant le vote sur le Brexit, l'avenir de l'Union européenne se joue demain, prévient François Hollande. Si le référendum conduit au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, Paris le jugerait irréversible. Le président de la République ajoute que Londres court un risque très sérieux de ne plus pouvoir accéder au marché unique. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, prévient lui qu'il n'y aurait aucune nouvelle négociation avec Londres à l'issue du référendum. Dehors, c'est dehors, a-t-il lancé. Une retraitée de 79 ans retrouvée morte dans les décombres d'un immeuble à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Le bâtiment s'est effondré cette nuit, certainement dû à un défaut de structure, selon la préfecture. 6 personnes ont aussi été légèrement blessées. Euro de football, c'est à suivre dans RTL Grand Soir d'Euro. On connaîtra ce soir l'adversaire de nos Bleus pour les 8e de finale. Le programme à 18h, Hongrie-Portugal et Islande-Autriche. À 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. En attendant, votre rendez-vous pronostic avec Bertrand Latour. Bonjour Bertrand. Bonjour Olivier, on s'intéresse cette fois à Belgique-Suède, match à 21h à l'Allianz Riviera de Nice et à vivre évidemment en intégralité sur RTL. La cote pour une victoire de la Belgique est à 1,87. Le match nul à 3,50 et le succès de la Suède à 5,30. Cote sujette à évolution. Une question, ce match est-il le dernier de Zlatan avec la Suède? L'attaquant prend sa retraite internationale à la fin de l'Euro et s'il veut prolonger le plaisir, la Suède doit gagner impérativement. Une mission difficile, les Suédois n'ont pas cadré la moindre frappe en 2 matchs et les Belges n'ont pas assuré non plus leur qualification en 8e de finale. Il leur faut assurer au moins un match nul. Prochain rendez-vous pronostic à 17h pour Irlande-Italie. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les courses sont à Reims cet après-midi avec Claude Piersanti. Oui, avec le Quintet, l'étape du GNT support du Paris Quintet a été gagnée par Utinka Seloise, le numéro 11, drivé par Jean-Michel Bazir. Combinaison gagnante, 11, 3, 14, 16 et 7. La quatrième, le 3, Tokyo Hotel Hall, 21, 10 et 4, 30 s'est imposé, devant le 10, Un Beau Jour, 5, 90 et le 12, Single Max, 5, 70. Pour les amateurs de mini-multi, il fallait ajouter l'As pour la quatrième place, Mockingbird Face à 60 contre 1. Il y a 2-3 minutes, l'arrivée de la cinquième. Le 8, Divine Honey s'est montré le plus fort. 4 contre 1 devant l'As Darling Atou, 5 contre 1. Et le 7, Darkana du Nord, 6 contre 1. Merci beaucoup Claude. La météo, l'été est là et les orages qui vont avec. 13 départements sont placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à demain matin 6h. Cela va de la Loire-Atlantique au nord en passant par la Manche et l'Eure. L'épisode sera localement violent, accompagné de fortes pluies, de vent et de grêle. Soyez donc très prudents. Ailleurs, il fait beau et il fait chaud encore pour cette fin d'après-midi. Les températures, 16 degrés à Cherbourg, 19 à Dieppe et à Brest, 25 à Perpignan, 29 degrés à Paris, 30 à Dijon, 31 à Nîmes, 32 à Limoges et même jusqu'à 34 degrés du côté de Tarbes. Vous êtes sur RTL, il est 16h04. Tout de suite, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas besoin d'aller dans une ville qu'elle ne connaît pas pour être paumée, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas un cheveu sur la langue, mais une langue sous des cheveux, Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui fait des tournées, qui fait des tournages, mais heureusement jamais de tournante, Baptiste Le Caplain. Bonjour. Une grosse tête éleveur de canards qui font point point, Franck-Olivier Gisbert. Bonjour. Une grosse tête qui tape dans le ballon, contrairement à Péroni qui souffle dedans, Pierre Boubi. Bonjour. Et enfin, une grosse tête dont le degré de culture dépasse tous les degrés d'alcool, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Vous voyez que j'ai été gentil avec vous, monsieur Péroni. C'est gentil, monsieur Ruquier. Ça se termine bien. Oui. Bon, ce qui commence ça, mal... Ça prévoit une vacherie, ça, en général. Non, ce qui commence mal, c'est que je vous ai fait venir dans cette émission un footballeur. Je sais que vous détestez et les footballeurs et les chanteuses. Oui, ils ont le même QI. Je m'en vais tout de suite. Est-ce que vous picolez? Parce que peut-être vous pouvez vous entendre quand même avec Péroni. Avec Péroni. Vers un comptoir, quand on est en vacances, on peut peut-être s'entendre, c'est sûr. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, vous carburez pas mal quand même? Bah, je carbure pas mal. J'aime bien la bière. Avant le match, sinon j'avance pas. Non, déjà que j'ai un peu de mal, si en plus je me mets des bâtons dans les roues. Pas de la bière. Ah, mais je j'aime bien le rouge suis aussi. Tout terrain. Ah oui. C'est si un 4-4. J'ose dire. Vous pouvez jouer à l'arrière, à l'avant et au milieu. Quoi, on parle sexe là? Vous avez déjà joué au football ou pas, Jean-Jacques Péroni? Obligé quand j'étais à l'école, au lycée, mais je m'étais fait très vite dispenser de sport. Vous disiez que vous avez vos règles? Qu'est-ce que vous disiez? Entre autres, si vous voulez. À la classique c'est des filles fin. En sport, ça. C'est très toutes fin, les filles ont leurs règles en même temps en sport, c'est fou. Vous avez vu ça aussi? Ah oui, ça c'est dingue, surtout. Alors, les sorties piscine, c'est un carnage. Personne ne peut venir. Toi aussi, Chantal? Ah non, moi j'étais très doué en sport, je sautais très haut. Ah tout oui le monde ah venait oui voir, je sautais en hauteur très haut. Genre à 1m40, flash, comme ça. Ah oui, flash. Ah ouais, tout le monde m'a par-dessus poussé, l'élastique, etc. C'est ça. C'est je cours très vite également. Ah oui, oui. On a fait les JO à un moment donné. Ouais. Vous avez regardé les matchs, vous, hier soir, Chantal? Absolument pas, mais je sais que la Turquie a gagné. Ah, comment vous savez parce ça? Parce que je suis passé la Tour Eiffel, j'ai vu le drapeau turc et les gens qui klaxonnaient, alors j'ai dit bravo, bravo. Mais non. Il y a toujours... Ah ouais, vous avez le sens du partage. Ah, moi j'aime beaucoup cette émulation, ces gens qui gagnent, qui sont en équipe et tout ça, je trouve ça très très joyeux, très j'aurais gay. Des questions tout à l'heure sur au moins un des matchs d'hier soir, mais on va démarrer d'abord par une première citation, si vous le voulez bien, pour Camille Milman, qui habite Thionville, qui a dit « Quand on est amoureux, on vit les deux plus belles heures de son existence. » C'est récent? C'est assez récent, oui. Le pape François? Non. Pierre Bénichoux, non? Pierre Bénichoux, non. Est-ce que c'est français? C'est quelqu'un qui est mort et qui est français, qui était français. Qui était français. Il est mort quoi, au 19e ou au 20e? Oh, ah non, il est mort en 2007, vous voyez, c'est pas si vieux. C'est récent. Quand on est amoureux, on vit les deux plus belles heures de son existence. C'était un rigolo? Oui, c'était quelqu'un de drôle. Il est venu ici? Un peu pessimiste. Oh bah c'est peut-être Sim alors. Pas Sim. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Chantal là-dessus. Une question pour Jonathan Gaïda, qui habite Pernay, qui a dit « Je ne conduis jamais bourré, enfin pas à ma connaissance en tout cas. » Alors ça peut être Jean-Yann. Oui, non. Ça, c'est du jeu, oui. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup? Ah, un petit peu, oui. Francis Blanche? Pas Francis Blanche. Pierre Dac? Un des enfants de Francis Blanche. Jean Carmé? Non, un des enfants de Pierre Dac. Ah, faut savoir. Bah oui, Francis Blanche. C'est elle qui dit ça. Raymond DeVos, non? Raymond DeVos, non. Coluche? Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une autre citation cette fois, et ce sera pour Claude Dumas, qui habite Grandry dans le Rhône, qui a dit « À la maison, notre toaster a deux positions, trop tôt ou trop tard. » Donc, c'est moderne. Ça, c'est plutôt moderne. Bah oui. Mais c'est mort ou pas? Le toaster est vieux, hein. Mais c'est pas mort, oui, il y en avait... C'est quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps, c'est en 2010. Femme, c'est une femme. Non, c'est un homme qui a dit ça. C'est un anglais plutôt... Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Mort en 2010. Mort en 2010. Raymond Domenech. Non. Étranger. Mort en 2010, Raymond Domenech, c'est salaud. C'est un acteur de cinéma. Un acteur de cinéma étranger, oui. Notre toaster a deux positions à la maison, trop tôt ou trop tard. Il a fait du stand-up. Oui, c'est Il est monté sur scène. Non, c'était pas l'époque du stand-up, c'était avant quand même, hein, parce qu'il est mort assez vieux. Jerry Lewis. Il est mort à 85 ans en 2010. Il n'est pas mort. Et Jerry Lewis n'est pas mort, non. Renseigne-toi avant de dire un truc, vraiment. Mais il était que acteur, il était pas chanteur en même temps. Oh, il a peut-être chantonné une fois ou deux, mais il était surtout acteur. Il a des grands films à son actif, hein. Et une célèbre série. Tony Curtis. Et c'est Tony Curtis. Ah, bonne bravo. Réponse. Bravo. De Jean-Jacques Perroni. Une autre citation très poétique, celle-là, pour Monsieur Cyril Bonater, qui habite le Canet, qui a dit « Un arbre n'est pas un arbre, mais un bocal à oiseaux ». Oh, c'est champêtre. Qu'est-ce qui vous plaît pas là-dedans? C'est pas un bocal? Non, c'est une image. C'est une métaphore. L'image est pourrie. Attends, je suis désolée. L'image est pourrie. C'est une licence poétique, si tu vas par là. Déjà, le mot bocal n'est pas très poétique. Parce que si les oiseaux étaient dans un bocal, quand on passe en dessous, on ramasserait pas les chieurs d'oiseaux. C'est quand même. Ça, c'est pas faux. Ils sont doués pour chanter, mais ils sont très doués pour chier. Oui. Bonjour les poètes. Chanter, ils chient toujours un petit coup pour être plus léger. Vous avez remarqué. C'est vrai que les chanteuses chient moins que les oiseaux. Vous avez remarqué que les pigeons ne chient plus blanc. Non, mais vous avez remarqué. Si, c'est d'ailleurs une vraie citation que j'aurais pu vous donner un jour, qui est signée Pierre Légaré, qui dit « Mais pourquoi les oiseaux chient blanc sur les voitures noires et noirs sur les voitures blanches ?» C'est vrai. Non, mais maintenant, ils chient orange. Ah, mais regardez sur les voitures, c'est fini, nos belles fientes blanches. Je pense que c'est Casimir qui lui a fait une farce. J'ai remarqué un truc, c'est que souvent, les chiens d'aveugles chient des étrons blancs. Ouf. Qu'est-ce que j'en fais de mon arbre? Attendez, là on va trouver. C'est mort quand, ça? C'est français. Ah, c'est français. Ah, c'est mort. Si je vous donne la date de sa disparition, ça devrait vous aider, je dois Allez-y. Dire. Allez-y. Allez, j'y vais, j'essaye. 11 octobre 1963. Jean Cocteau. Jean Cocteau, ouais. Bonne réponse de François-Olivier Gilbert et de Jean-Jacques Perroni. En même temps qu'Edith Piaf. Oui, pour les oiseaux. Les moineaux, t'aurais dû dire. C'est vrai, mais Piaf chiait pas dans un bocal, vous voyez. Enfin, Chantal. Les grosses têtes sur RTL. Well, that's all right, mama. Dominique Blanc-Francard est un des grands ingénieurs du son français. Il a travaillé avec Elton John, Pink Floyd, The Grateful Dead, au studio légendaire du Château d'Hérouville. Il vient de sortir un livre et un disque, It's a Teenage Dream, où ses amis, les artistes français, chantent des hits des 60s. Dominique Blanc-Francard est mon invité dans les Nocturnes, ce soir sur RTL à partir de minuit. George Lang. Bonjour, je m'appelle George et j'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour, je m'appelle George, et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Jusqu'à 18h, elles sont avec vous, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Martine Chollet, qui habite Genet. Le 30 juillet 1943, Marie-Louise Giraud fut guillotinée pour l'exemple dans la cour de la prison de la Roquette à Paris. C'est le bourreau Jules-Henri Desfourneaux qui la guillotina, mais pour quelle raison? Avortement. Comme exemple, c'est-à-dire... Avortement. C'est-à-dire... Elle faisait des avortements. L'avortement, c'est pas suffisant. C'était une faiseuse d'ange. Elle faisait des avortements. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud, aidée par Jean-Jacques Perroni. Pardon Jean-Jacques, hein, mais... non, mais vous avez entièrement raison, je vais pas me battre. De toute façon, je m'en fous. Oui, il avait quand même donné la bonne réponse. Je ne suis pas qui aime la compétition. Pardon. Alors, je il avait quand même donné la bonne réponse. Pas, je m'en fous. Non, non, il n'avait pas donné la bonne réponse, parce qu'avortement, on ne sait pas si c'est parce que c'est elle, elle qui a avorté, ou si elle pratiquait l'avortement. Est-ce que vous comprenez, Chantal? Je vais comprendre. Vos parents n'y avaient pas songé? Non. Oh non, ne dites pas ça, on aurait perdu un grand vide. C'est quand même incroyable, quand même, oui. Cette femme en 1943 qui, il y a avait, pas si longtemps. Qui avait pratiqué 27 avortements illégaux dans la région de Cherbourg. Heureusement, des enfants qui n'auront pas connu l'occupation allemande. Mais c'est d'ailleurs Pétain qui a refusé de la gracier. Vous ne bah croyez oui, pas con, si bien hein. dire. Effectivement, Pétain aurait pu la gracier, mais il a refusé de commuer sa peine. Et elle fut donc guillotinée le 30 juillet 1943, cette faiseuse d'anges, qui d'ailleurs, je crois, a été interprétée à l'écran par Isabelle Huppert dans un film de Claude Chabrol. Ah, comment j'ai pu effectivement trouver ce nom? C'est à cause de la disparition de Madame Benoîte Groulx, dont on ouais. parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, cette romancière essayiste qui, elle-même d'ailleurs, a souvent raconté ses auto-avortements. Hein. C'est ce ouais. que nous rappelle toute la presse aujourd'hui. C'est assez incroyable, hein, d'ailleurs, ce qu'elle raconte. Elle a même avorté sa propre sœur, dit Benoîte Groulx dans un de ses c'est livres. C'est elle qui le faisait ? Oui, oui, oui. C'est ce qu'elle oui, raconte oui. dans la presse. C'est absolument, absolument incroyable, d'ailleurs. Et alors, il y a une question par rapport à ça ? Oh. Oui, c'est. On va mettre. Non, souvent Laurent, il parle comme ça. Ah oui, non, non, pas du tout. Je vais poser une question. Vous avez raison. Ouais. Mais faut. Non, mais c'est assez. C'est dans Libération hein, qu'on voit le détail de ce qu'a dit, raconté Benoîte Groulx, qui vient de nous quitter. Elle dit au bout de 3 avortements, j'ai compris comment ça se faisait. Et comme je suis une pêcheuse, en plus d'être une pêcheresse, je me suis aperçue que les sages-femmes, enfin les faiseuses d'anges, utilisaient des sondes en caoutchouc. Je me suis dit autant le faire soi-même. J'ai donc acheté des aiguilles à tricoter, c'était du 2, parce qu'on l'enfile dans le début de la ligne, on fait coulisser la ligne, on le fait soi-même, et j'ai fait ça 2 fois, j'ai même fait ça 1 fois à ma sœur, mais c'était ça ou ne plus faire l'amour à l'époque. On est avant, évidemment, même avant les années 1960, c'est mmh. évidemment assez incroyable. Et elle a eu 2 filles, Benoîte Groulx, mmh. de son père. Premier, non pas premier mariage, d'ailleurs je crois que c'est le 2e. Et évidemment son mari manifestement voulait des garçons, puisque dès la naissance de la première fille, son mari lui a dit « Ma chérie, c'est pas grave, on va remettre ça ». Mais ah. qui est l'homme qui a dit ça à Benoît Groulx? Ce serait pas un romancier. Ah. Un romancier. Ah non, c'est pas Paul Guimard, parce qu'elle était mariée avec Paul Guimard. Paul Guimard, ouais. c'est le mari qui est arrivé après. Après, ouais, ah. c'était un mec un génial. Mais elle a eu 2 filles avant. Justement, avec cet homme qui lui a dit « Ma chérie, c'est pas grave, on va remettre ça », parce que lui, manifestement, avoir une fille, c'était... Et qu'est-ce qu'il faisait cet homme dans la vie ? Eh ben, vous le connaissez. Ah, on le connaît ? Il est encore vivant, un acteur ? Ah non, il n'est pas vivant aujourd'hui. Un acteur ? Un acteur, non. Il est venu aux grosses têtes ? Il est venu aux grosses têtes ? Oh non, il n'est pas venu aux grosses têtes, je ne crois pas. Je suis surpris que vous ne sachiez pas ça, monsieur Gisbert. Non, non, mais je connaissais bien Paul Guimard, et du coup, ça s'est arrêté là. Un écrivain ? Ce sera une question pour Nathalie Deville, qui espère 300 euros. Un écrivain, non. Un metteur en scène ? Elle vient de mourir à 96 ans, Benoîte Groulx. Non, c'était pas un metteur en scène. Un journaliste ? Un journaliste, oui. Oh bah tu devrais connaître, toi, alors. Attends. Ça va venir, attends. Un journaliste qui a fait de la télévision aussi ? Qui a fait de la télévision, d'ailleurs c'est là qu'ils se sont rencontrés. C'est pas Revel. Ce n'est pas Revel. Mais c'était un journaliste de télé ou un journaliste de presse écrite ? Il faisait les deux ? Il faisait les deux. À télé, plutôt télé. Il travaillait pas à l'horreur, des fois ? Non, où elle non. Avait... Il est mort. Ouais. Ah oui, il est mort. C'est pas Georges Decaune. Et c'est Georges Decaune. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et je l'ai lu, ça. Putain. Eh oui, Georges Decaune qui lui a dit quand la première fille est née, chérie, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va remettre ça. Eh ben, il a dû être déçu pour la deuxième. Ah bah oui, ça, il a été et déçu. Et il l'a quitté, alors. C'est pour ça qu'après, il a eu Antoine. Exactement, mais avec une autre femme. Oui. Exactement, bravo. Avec Jacqueline Joubert. Avec Jacqueline Joubert. Ah, c'est des trucs, quand même, hein. Elle était speakerine. T'en connais d'autres, t'expliquerais ? Oui. Catherine Langer. Ah, oui. Vous voulez pas donner les questions à rédiger à Chantal pour une émission qu'on rigole? La capitale de la Belgique, Bruxelles. Ah ouais. J'y ai joué, Nelson. Deux semaines. Ouais, ouais, ouais, ouais. Vous l'avez connu, vous, Benoît de Gault, monsieur? Oui, oui, très bien, très bien. Et plus particulièrement, par son mari, j'adorais Paul Guimard, qui est un écrivain magnifique, qui a fait les choses de la vie. Et c'était un très beau couple, tous les deux. Vraiment, c'était un couple qui, avec une complicité incroyable. Enfin bon, puis c'était une belle femme. Tu te l'as faite? Il y avait une différence d'âge. Hein, oh non, écoutez, franchement. Moi, je fais attention à la différence d'âge. Elle aurait pu être cougar. Je français. Monsieur Perroni, cette femme vient de nous quitter. Non, mais peut-être qu'elle aurait eu des relations avec Pierre Bénichoux, mais pas avec moi. Ah, peut-être. Pierre Bénichoux, il l'a niqué. Non, écoutez, franchement, on est en train de rendre hommage à... Eh ben, quel plus bel hommage que de lui prêter des amants assez chouettes, assez... Oui, alors... c'est vraiment... Enfin, quand même, c'est une figure du féminisme. On termine pas un hommage à une grande figure du féminin. Vous faites ce que vous voulez, nous, on fait ce qu'on veut. Oui, voilà. Enfin, vous voyez, elle vient de mourir à 96 ans. Eh ben, une vie bien remplie. Bonjour, madame. Elle n'est même pas enterrée encore. Et la seule chose que vous trouviez à dire, c'est Pierre Bénichoux l'a niqué. Non, franchement... C'est pas moi qui dis ça. C'est Chantal là-dessous. Alors franchement, Chantal là-dessous. Mais c'est bien, il faut savoir. Vous voyez, le footballeur, il a l'air de rien savoir. Dès qu'on parle de cul, il faut qu'on m'interpelle. Moi. Je suis sûr qu'il découvre Benoît de Groult. Vrai ou faux? Il n'y a pas qu'elle que je découvre. Hein. Qu'est-ce que vous découvrez encore? Ah bah, je ne sais pas, je suis là pour apprendre. Hein, émerveillé. De... Je le sens bien. C'est émerveillé par mon savoir. Ouais, bah oui. Non, moi, faux. C'est un sportif, je pense qu'il a plus été émerveillé par le fait que tu sautais à 1m40. C'est vrai. C'est pas la première fois que vous voyez Chantal là-dessous. Non, c'est la deuxième. Et alors? Ah, et alors, elle est bonne, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par bonne? Ah, elle a des atouts. Ah ouais. Voilà. Non, vois, j'aime beaucoup, moi je j'aime beaucoup Chantal. Footballeur. Quel genre d'atouts? Les lunettes. Saviez-vous que pour vivre pleinement et sereinement votre retraite, AXA vous propose des solutions santé, épargne et dépendance? Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Prenez rendez-vous avec votre conseiller AXA ou sur axa.fr. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. C'est la Ola des promos chez Intermarché. Les 6 Magnum classiques sont à seulement 2,52€ grâce à 30% de remise immédiate. Eh oui, 30% de remise immédiate. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 474 grammes, 5,32€ le kilo jusqu'au 26 juin. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Brico Dépôt vous présente les deux mots du jour. Carrément, solde. Produits soldés? Débroussailleuse thermique. Grande puissance. 33 cm cubes. Super affaire. 89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. La débroussailleuse thermique 4 en 1, 33 cm cubes, guide et chaîne Oregon est à seulement 89 euros au lieu de 119 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. RTL. Dans les grosses têtes, l'atout de Laurent Ruquier, l'atout Chantal, aucun ne lui résiste. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Arnaud est au téléphone. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous habitez Ronque dans le Nord, vous êtes ch'ti depuis... Ch'ti depuis toujours? Depuis toujours. Ben écoutez, on est bien content de vous avoir au téléphone, Arnaud. Faites quoi dans la vie? Je suis chargé de projet à ERDF, Enedis depuis une semaine. On a changé de nom. ERDF. Mais non, pas l'ORTF, Chantal. Remets ton sonotone, mémé. L'ORTF, j'ai entendu. Vrai faux. L'ERDF. Ah, l'ERDF. Qui vient de... Notez pas, il vient de changer de nom, en plus. Ça s'appelle comment, maintenant, vous dites? Enedis. Mais oui, on voit sur les enveloppes qu'on reçoit à la maison. Hein. On commence à le voir. Bon, j'espère, cher Arnaud, que grâce aux grosses têtes, vous pourrez partir au col du Galibier, c'est la station de Valoir qui vous attend. Une semaine pour deux, un hébergement en appartement. Et en plus, vous aurez accès à la piscine, car c'est l'été, ou pendant qu'il n'y aura pas de neige, en tout cas, que vous irez à Valoir Galibier. Vous pourrez profiter de ça, soit l'été qui vient, soit l'été 2017. Ça vous donne le choix. Vous pourrez profiter donc de ce séjour à Valoir. Je ne vais pas, évidemment, vous refaire le coup du concours de sculpture sur paille et foin qui a lieu entre le 5 et le 10 juillet. Prochain. Le gars qui vient lui sculpter le foin. Un concours de... De sculpture sur paille. Mais comment on peut sculpter de la paille? Mais on sculpte pas la paille. On se sert de la paille et du foie pour faire des grosses sculptures. Ah bon? Vous voyez? Ah, alors non, ça des figures. Des... Alors non, ça s'appelle pas des sculptures. C'est des épouvantails. Ça s'appelle des figures. Écoutez, parce c'est écrit sculpter... concours de sculpture sur paille et foie. C'est des conneries comme oui. Parce que ça veut. Parce que sculpter, c'est vraiment modifier la paille avec, je sais pas trop quoi, un petit burin de paille. Je sais pas. Moi, non, bah, alors que là, ils font des figures avec des ballots, des voilà. Tu non, dis non, ça c'est parce pas que des sculptures. À le prononcer, à mon avis. Et ma main dans ta gueule, j'arrive à le prononcer. Tenez, montrez-lui à oui, Isabelle Mergo. Au final, ça fait comme des sculptures, mais le mot sculpture est impropre. Oh bah, ouais. Donc, ça a l'air bien. C'est un événement unique au monde. Ah bah ça, je comprends. Oh bah, ça, personne ne veut copier. Ah bah, alors là, personne va nous imiter. Hein. Voici la question, Arnaud. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Attention, on lui laisse 10 secondes d'avance. C'est le principe, vous le savez, je le répète depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes anonyme et gratuit. Donne ton foie, Péroni. Mais non. Poisson d'avril. Je vais pas donner mon foie, j'en attends un, justement. Moi, je fais un don d'orgasme, si vous voulez. Le mec est... T'imagines le mec qui se retrouve avec le foie de Péroni et le cerveau de là-dessous. Eh ben, il est promis à une grande carrière. Vu le nivellement par le banc. Alors, Arnaud, attention, à l'occasion de cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes anonymes et gratuits, on nous rappelait ce matin dans Le Parisien que le pays champion international du don d'organes, le pays où on donne le plus ses organes, c'est... L'Espagne. L'Espagne, c'est ouais, gagné, bravo. Super. Et vous savez pourquoi? À cause du film. Entre autres, à cause du film de Pedro Almodovar. C'est ça. Tout sur ma mère, un film qui a eu un impact incroyable en Espagne et qui fait que les gens ont finalement accepté de donner leur cœur, leur foie, leur rein et alouette. En tout cas, c'est beau. Mais c'est la coutume là-bas. Déjà, ça fait longtemps qu'à chaque corrida, ils donnent les oreilles et la queue. C'est pas faux. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de porter. On croit toujours ça, hein, qu'il faut porter dans son portefeuille quand on est donneur une petite carte qui dit j'accepte de donner tel ou tel organe. En fait, il suffit de le dire. Suffit de le dire à ses proches. Alors il faut pas que les proches mentent après. Il a dit oui. Prenez-lui tout. De toute façon, on s'en fout. Ça devrait être obligatoire. Bah oui. Pourquoi obligatoire? Mais si on devrait pouvoir. Moi, on ne touchera pas. Je ne donne rien. Non mais t'inquiète. Mais on prend. T'inquiète pas. Donne ton sexe, toi, tu feras des femmes peinards. Ah ben ça non plus, on les touchera pas. Alors. Elles pourront dormir tranquillement, t'inquiète. Non mais il y a des gens qui veulent bien donner, mais ça dépend quoi. C'est ce qu'on nous explique dans l'article de Claudine Proust aujourd'hui dans Le Parisien. Il y a des gens qui veulent bien donner leur cœur, par exemple, mais ils ne veulent pas qu'on touche à leurs yeux. Vous voyez, par exemple, ils veulent mourir avec, enfin, ils veulent être enterrés avec leurs yeux. Ils veulent pas qu'on leur prenne les yeux. Alors faut préciser. Donc faut remplir le formulaire, c'est bien ça. Pourquoi vous dites c'est con, Boubi? Ça sert à rien. Je veux dire, je comprends pas moi le projet du truc, moi. Moi, je donne tout, hein. Je vous le dis ici, comme ça, tout le monde est au courant. Mais je donne tout. Hein. Bon, celui qui va hériter, celui qui va hériter du pied gauche, ça, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Non, mais attention là, les yeux, je peux comprendre moi, parce que c'est quand même quelque chose de symbolique de fermer les yeux de quelqu'un, voyez, dans le cercueil. Mais quand vous êtes dans le cercueil, vous lisez pas le journal. Non. Il n'y a pas de télé dans le cercueil. Non, mais si il y a quelqu'un qui vient vous faire fermez les yeux et puis que vous n'en avez plus qu'à, bon, à part la famille Le Pen qui s'en dérange pas. Évidemment. Mais autrement, c'est embêtant, vous comprenez? Mais c'est vrai, il faut donner. Quoi, faut donner? Faut donner ses organes? Ça sauve des vies. Oui. Bah oui. C'est le principe. Ouais. Non, mais c'est bien. T'aurais pu être Miss France. Hein. En tout cas, bravo Arnaud. Vous saviez, merci. Ah ben oui, vous saviez que les Espagnols étaient plus généreux que les Français pour donner leurs organes. Il y a qui hier soir, hein, pendant le match, qui n'ont pas été très généreux, les Espagnols. Pour donner ce qu'il fallait sur le terrain. Vous avez regardé le match contre la Croatie? Une partie, je n'ai pas tout regardé. Allez, pas tout regardé. En tout cas, Arnaud, vous partez à Valoir, au col du Galibier avec RTL, et on vous applaudit, on vous encourage. Bravo. Bravo. Découvrez le Schmilblick et tentez de gagner 3000 euros avec l'indice bonus. Le Schmilblick se gonfle. Retrouvez les trois indices précédents et répondez vite sur leschmilblick.fr. 2 euros la partie, conditions de remboursement sur leschmilblick.fr. Ne bougez pas, Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. Popcom.fr. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, Popgum.fr. Sur Popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, Popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur Promo Pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris, aux Folies Bergères, à partir du 17 novembre. Soyez témoin de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. Et sur RTL, elles nous donnent leur bonne humeur tous les jours, les grosses têtes. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier est avec François-Olivier Gisbert, Isabelle Mergaud, Chantal Latsou, Jean-Jacques Perroni, Baptiste Le Caplin et Pierre Boubi. Une question pour Brigitte Durin, qui habite Remometz. Elle va le donner. Voilà. Madame Durin espère 300 euros. Et la question portera sur le film qui sort aujourd'hui, L'Outsider, le nouveau film de Baratier, avec François-Xavier de Maison et Arthur Dupont, qui est un jeune acteur qui a été choisi pour jouer le rôle de Jérôme Kerviel, le fameux trader, hein, accusé par la Société Générale de lui avoir fait perdre beaucoup d'argent. Mais avant qu'Arthur Dupont joue au cinéma Jérôme Kerviel, un acteur a déjà joué Jérôme Kerviel au théâtre. De qui s'agit-il ? C'est pas De Maison, non ? De Maison, non. Non, il joue dans le film. Mais... Exactement. Oui. Oui. Un acteur. C'est bien, Chantal, de faire des précisions. Mmh. Oui. Un jeune acteur. Oh, un jeune acteur. Oh, alors toi. Eh, hey, fous-toi de ma gueule, hein. Eh, hey, donne-moi des cours de diction, oui. Elle dit juste pas une seule voyelle. Elle a pris option sans voyelle, alors. C'est plus rapide. Ouais, plus rapide. Ouais. Quand vous alliez les voir toutes les deux au théâtre, c'était génial. Ah, le discours, le dialogue. Le premier rang était arrosé par moi et puis personne ne comprenait ce qu'elle racontait. Mais les gens étaient contents. C'était un spectacle avec des sous-titres. C'était le premier. Non, alors là, il s'agit d'un acteur qui, au théâtre, a joué Jérôme Kerviel en 2009 au Théâtre National de Nice. D'ailleurs, ça s'appelait Le Roman d'un Trader. Acteur de cinéma, plutôt ? Plutôt acteur de cinéma, mais aussi de théâtre. Oui, puisqu'il était au théâtre, tu suis un peu ? Pourquoi vous précisez Nice, Laurent ? Ça n'a jamais été joué à Paris. Je sais qui c'est, mais j'ai question plus sur le cinéma. Elle est de mauvaise humeur, notre ouais. Mergo, hein, vous avez remarqué. Ah, ouais. Oh là là, j'aime pas cette place. Pourquoi la blonde qui articule pas, elle est toujours à la même place, à votre gauche. C'est ma place. Et moi je... Peut-être je... qu'il comprend encore moins bien Chantal que toi, c'est pour ça que... Non, mais tu peux pas arrêter d'engueuler tout le monde quand même. Mais oui, c'est vrai, on vous aime, ami, nous. On t'aime place, en plus. J'ai la place de Bénis. Mais on t'aime. Nous, on vous aime, Isabelle. Mais on t'aime. Pourquoi elle a besoin d'affection. Et oui, vous ne nous rendez pas la même chose. Alors qu'on vous aime, c'est pas parce que je vous ai... J'ai des déboires sentimentaux. Ah, qu'est-ce que vous avez comme déboires sentimentaux, Isabelle? Bah, je lui achète plein de trucs et puis il me regarde pas. Ah, faut pas acheter plein de trucs. T'achètes pas les bonnes choses, ça veut dire ça. Mais non, mais j'ai arrête de sortir avec des escort boys aussi. J'ai acheté un joint. Ah oui. Ah, parce qu'il est plombier. Ou dealer. dont j'ai pas besoin. J'achète plein de trucs dont j'ai pas besoin. Ah oui. Ah, il est quincaillé alors. Je ne dirai rien, il va se reconnaître. Mais tous les jours, vous allez dans sa boutique. Il est fermé le lundi. Attendez, c'est curieux d'être amoureux de son quincaillé. Mais c'est pas tout à fait un quincaillé. Un droguiste. On n'existe plus, les droguistes. Un plombier. Non. Un garagiste. Vous en parlerez à la fin du mois. C'est un concierge, et puis voilà. Ah non, mais c'est intéressant. Vous lui achetez des joints. Il n'a pas remarqué que. Non, mais il a remarqué que tu étais intéressé par lui. Bah, je sais pas. Il ne trouve pas que vous venez souvent pour une fille qui n'a pas de voiture. Tu peux changer. Tu n'es pas obligé d'acheter toujours des joints. Tu peux acheter une clé de 12. Attends. C'est le code des quincaillers. Si tu achètes une clé de 12, ça veut dire qu'elle a envie de toi. On va y aller ensemble. Ah oui, hein? T'étais amoureuse d'un fleuriste, tu te souviens? Quand on jouait ensemble. Ah ben, elle s'est fait toutes les boutiques du quartier. C'était quoi la question? Ah ben oui, ça ne nous donne pas le nom, tout ça. Du c'est un jeune acteur, Alexandre Brasseur. Non, Alexandre Brasseur, non. C'est celui qui a joué des fleurs pour Alster, non? Ah non, ça c'est Grégory Gadebois, voilà. Non. Il est à peu près du même âge que Carviel. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous me dites un jeune acteur. Oui, ils n'ont pas pris un mec de 70 ans pour jouer Jérôme Carviel. Mais connu. Vous voyez. Bah connu, oui, parce qu'autrement je vous poserais pas la question. Uliel. Pardon. Uliel. Gaspard Uliel. Non. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Non. Mais ça a été joué à Paris ou pas, Laurent, la pièce? Non, au Théâtre National de Nice. D'accord. Oh bah oui. Mais c'est un Niçois. Un Niçois. C'est pas un Niçois du tout. Mais ça a été joué là-bas. Et de la comédie française? Le roman d'un trader. Ah, Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne. Oh non, Guillaume Gallienne. Oh non, pas Guillaume Gallienne. Bah, t'as imité Benichou, là. Oh non, pas Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, il jouerait dans une tradeuse qui veut devenir trader. Puis qui finalement... Et qui finalement... Et qui finalement, faut pas croire qu'il est tradeuse, il est trader. Ouais. Mais... Il n'oserait pas passer à l'action. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Oh bah je cherche. Bien sûr. Mais cherchez vite parce qu'il vous reste 30 secondes. Un acteur qu'on aime bien, que tout le monde connaît. Du Jardin? Non, pas du Jardin. Pierre Jeune. Quelqu'un qui est venu dans les invités mystères? Oui, mais enfin, ça fait deux saisons qu'on a des invités mystères. Ça fait deux ans qu'elle existe, RTL. Oui. Enfin, qu'on est. Non, ça fait deux ans qu'on est là. Oui, c'est mais la deuxième saison, Isabelle. Ça passe vite, on est en train de terminer notre deuxième saison. C'est fou. Hein. Bah, j'aurais juré que c'était la première. Eh ben non, vous voyez, hein. On est aussi jeune qu'avant. Hein. Oh bah non, c'est en vieillie à vue d'œil. Hein. Mais c'est ça. Incroyable. Incroyable. Mais ça passe à une allure incroyable. Oh là là là. Je vous le confirme, ça passe à une allure incroyable. C'était Laurent Deutsch, enfin. Laurent Deutsch, qui effectivement a joué Jérôme Kerviel au théâtre, coûtait 300 euros pour Brigitte Durin. Et ce que je propose, c'est que Chantal là-dessous nous explique exactement ce qui s'est passé à la Société Générale. Je crois que j'ai le temps d'aller faire pipi, alors. C'est très simple. Qu'est-ce qu'a fait Jérôme Kerviel? Eh ben, Jérôme Kerviel, voyez-vous, il était au guichet, ce garçon. J'étais sûr que je tenais un fil. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais certain que je tenais un fil. Alors, et il avait une ambition. Oui, une ambition, voilà. Oui, très bien, oui. Il avait envie de... Voilà, il a joué, en fait. Qu'est-ce que vous appelez sur jouer la bourse. La bourse, voilà. Ouais. Et pas vraiment, mais bon. Il a acheté des choses. Qu'est-ce qu'il achetait? Pas vraiment. Et il a acheté des actions. Ouais, un peu ça, oui. Avec notre argent. Puisque moi, je suis à la Société Générale. C'est pas vrai. Oui, il a joué avec mon pognon. Non, donc écoute... il a joué, sans le dire à son directeur, qui était quand même au courant. Ouais. Il était dans le bureau d'à côté, il entendait bien qui achetait, qui vendait. Et ben voilà un joli résumé, c'est ça. Bravo Chantal. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. si j'étais celui. Toi tu es la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. Sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs, jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore, il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Sur RTL, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'était Boulevard Désert avec Bruxelles. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Géant, Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, sur la caméra sport PNJ SD100 8 mégapixels, vendue 64€, une remise supplémentaire de 30%, soit la caméra sport à seulement 35€. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est Géant. Sachez d'ores et déjà que les Grosses Têtes et Laurent Ruquier enregistreront la dernière émission de la saison. Ça sera mardi prochain avant de partir en vacances. Alors il faut en profiter, profitez-en, venez les applaudir et passez un bon moment, notamment demain matin à 10h au grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Une question pour Madame Janine Fonck qui habite Andernos-les-Bains. Et la question concerne Gudzon Borglum qui, avec 400 ouvriers, a travaillé du 4 octobre 1927 au 31 octobre 1941, soit pendant, si vous faites le calcul, 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 14 ans avec 400 ouvriers ? Un rond-point ? Un rond-point, non. C'est en France ? Ce n'est pas en France. Aux États-Unis ? Un truc qu'on peut voir encore ? Oui, aux États-Unis, oui. La statue de la liberté ? La statue de la liberté. Mais non, c'est Bartholdi, la statue de la liberté. Ce serait pas le gars qui aurait fait les statues du Mont Rushmore. Voilà, exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Gudzon Borglum et 400 ouvriers ont sculpté pendant 14 ans ces quatre visages. Il y a quatre visages des présidents des États-Unis, ceux des premières années, évidemment, des États-Unis. 18 mètres de haut, ces quatre visages. Ça a commémoré donc les 150 premières années de l'histoire américaine. Et ces présidents ont été choisis par le sculpteur lui-même. D'ailleurs, Gudzon Borglum, c'est son nom. Alors, il n'a pas sculpté tout seul. Il a fallu quand même, je vous dis, 400 ouvriers avec lui pour pouvoir sculpter ainsi dans la roche, là-bas, au mont Rushmore, d'ailleurs qui au départ ne s'appelait pas le mont Rushmore, c'est dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Vous connaissez les noms des quatre présidents, monsieur Gisbert ? Forcément, il y a George Washington. George Washington, oui. Il doit y avoir Madison, non ? Non. Il y a forcément Jefferson. Thomas Jefferson, ça en fait deux. Il n'y a pas Monroe, non ? Non. C'est après. Vous avez deux sur quatre. Il y a Lincoln. Ça en fait trois. Mais il n'est pas dans les premiers, Lincoln. Il est dans les portraits. La question, c'était les premiers. Non, il n'y en a que quatre portraits. 4. Oui, non, mais j'avais compris que la question, c'est les premiers présidents des États-Unis. Bah oui, je suis désolé. Oh là là là là, il chipote. Mais de toute façon, les mecs qui ont des chemisettes. Mais j'avais mise pour toi. Que tu me remarques. C'est plié. Elle est fuchsia en plus. T'as vu comme elle est belle. Ah, faut plus porter de chemisette. Non. S'il y a bien un truc ridicule, c'est la chemisette. Ouais, et en plus, la chemisette rose. Fuchsia. Je suis d'accord. Mais t'es complètement daltonienne. C'est pas fuchsia. Non. Mais oui, c'est fuchsia. C'est fuchsia après plusieurs lavages. Un fuchsia qui a déteint. On peut oublier la chemisette de monsieur Gisbert. Alors, Theodore Roosevelt peut-être, non? Alors, Theodore Roosevelt, c'est le quatrième, bravo. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Quand même, on peut se moquer, mais c'est une bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Bravo. Mais après, j'ignorais, hein, parce que moi aussi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça revient à la mode, la chemisette. Mais oui, renseigne-toi, informe-toi. Ça revient à la mode de 1980. Vis dans notre siècle, dans notre temps. Monsieur Boubou, vous qui êtes le plus jeune d'entre nous, quel âge vous avez, rappelez-moi? 32. Est-ce que c'est à la mode, la chemisette, ou pas? Chez les footballeurs. C'est-à-dire que généralement, quand tu mets une chemisette, t'as l'habitude aussi de mettre des chaussettes avec les sandales à scratch. Ouais. Donc, si t'allies les deux, c'est compliqué quand même. Ouais, enfin, lui, il a une forme de chemisette avec son t-shirt, là. C'est quoi? On voit ses bras. C'est un t-shirt. Comment te dire? C'est pas pareil. Tu peux pas expliquer, hein. Il y a un truc en moi. Oui, et toi, je te signale qu'on voit tes bras aussi, là. En tout cas, Chantal là-dessous et Isabelle Mergault, je sens, mon cher François-Olivier Gisbert, sont en train de se détourner de vous au profit du footballeur. Ouais, méfiez-vous. C'était bien parti, mais je crois que ça part en couille. Justement... Moi, je te pardonne quand même. Si tu la jettes. Mais pas maintenant, je peux pas, là, maintenant. Me jette là tout de suite. Ah non, je peux pas. C'est une puma, vous pouvez la déchirer, peut-être. Justement, j'ai une question football pour monsieur Marc Alix. Restez, vous pouvez trouver la réponse quand même, Jean-Jacques Perroni. Monsieur Alix habite Mulhouse, il espère un chèque RTL. Si vous avez regardé le match hier soir, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, d'ailleurs, vous n'avez pas vu forcément de quoi je vais vous parler, puisque c'est après, évidemment, que les débats ont été alimentés par cette image d'un joueur espagnol qui, pendant l'hymne espagnol, aurait, je dis bien aurait, hein, c'est du conditionnel, c'est un peu comme pour l'affaire du bras d'honneur de Paul Pogba, aurait fait un doigt, vous voyez, pendant l'hymne, un doigt, et ce footballeur s'est piqué, hein, qui est un des meilleurs joueurs d'ailleurs, hein, de la Rora. Un des meilleurs défenseurs, c'est pas celui qui était avec Shakira aussi? Il est en couple avec Shakira. Et alors, pendant l'hymne national, il aurait fait un doigt d'honneur. Alors, scandale évidemment en Espagne, les journaux, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça nul. Oui. Mais pour quelle raison, à votre avis, aurait-il fait un bras d'honneur? Parce qu'il est catalan. Et alors? Et donc, il est pour l'indépendance de la Catalogne, c'est ça? Il est anti. Par rapport à l'hymne espagnol. Bonne réponse! Pourquoi il avait fait un article comme quoi son fils était venu avec le maillot de l'Espagne pour dire justement qu'il était. Ça fait plusieurs années qu'il se revendique catalan et non pas espagnol, et il y a de grosses tensions dans l'équipe. Sauf qu'on n'est pas sûr qu'il ait fait ce doigt d'honneur, parce qu'aujourd'hui, avec les images arrêtées, on vous fait dire n'importe quoi. C'est vrai, vous faites un geste, paf, là par exemple, je sais pas, je ferais ça, et puis hop, on dirait. C'est un bras d'honneur, ça. Oui. mais justement, non, j'étais en train de me gratter, vous voyez. Bah non, mais peut-être qu'il se grattait le nez, tout simplement. Oui, mais justement, tu vois le geste que tu fais quand tu te grattes le nez, tu prends l'index. Quand même, se gratter le nez avec le majeur, je crois que c'est un geste. Bah oui, parfois, tu vois, il est plus gros, donc si t'as un gros nez avec des grosses narines, ça gratte mieux. Bah oui, c'est évident. Vous, pendant. Tu sais draguer, toi. Tu sais parler aux femmes. Vous, Pierre Boubi, pendant l'hymne national, vous respectez, vous chantez la Marseillaise? La vraie question, c'est pourquoi est-ce que je jouerai un match avec l'hymne national au début du match? C'est pas faux. Quand même, un jour, peut-être, vous serez sélectionné grâce aux grosses têtes. Vous allez devenir un des footballeurs les plus célèbres. Non, mais les grosses têtes n'est pas formatrice de footballeurs, ça se saurait. Oh merde, on va devenir footballeuse. Hey, Chantal, t'imagines toutes les deux sur un. Mais moi, j'ai été footballeuse de charme. Il y a deux trucs qui collent pas là-dedans. C'est faut savoir ce que c'est, charme. Ça. J'ai jamais entendu parler, par contre. À chaque fois qu'Amarquel enlevait son maillot. Il y avait une équipe d'artistes à un moment donné, dont Claude Brasseur faisait partie d'ailleurs, Belmondo aussi. Et nous, on était élèves au cours Simon. Ça doit être il y a longtemps quand même, hein, parce que Claude Brasseur et Belmondo, dis donc. Oh, dis donc. Ils sont encore très très verts. Elle est pas jeune non plus, mes mères. Hein. Et alors? Il y avait Petrucciani dans les buts. On était, on faisait la l'ouverture, on faisait les pom-pom girls. Ah, en fait. Ouais. C'est ça. Et on jouait un match. C'est à ce match que Clovis a mis 3 buts. Ouais. Vous avez mis alors vous avez des pom-pom girls à Orléans, des filles qui vous supportent et qui dansent. Je pense pas. C'est nous, les footballeuses de charme. Après, je me souviens plus des paroles. Non, ce que je voulais dire, évidemment, puisque j'en reviens à cette histoire d'hymne national, c'est que Pierre Boubi aura peut-être un jour l'occasion, grâce à la notoriété de l'émission, d'être accueilli pendant un hymne et de devoir chanter la Marseillaise. Est-ce que vous connaissez au moins les paroles? Ah bah oui, quand même. Ah bah voilà, non, mais c'est que tous les footballeurs connaissent pas forcément. Vous êtes d'accord, Péroni, c'est un vrai problème, ça. Les footballeurs connaissent pas les paroles de notre hymne national. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent? C'est vrai, putain. Je suis entièrement d'accord, moi. Je vous le demande, c'est tout. Ça commence comment, l'hymne national, Pierre? Allons, enfants de la patrie. Après, je connais plus les paroles. Oh là, ils connaissent rien, les footballeurs. Ah, voyez, on va vous apprendre ça, quand même, alors. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Isabelle va vous le chanter. Allez, vas-y, Isabelle. Attends, je prends mon parapluie. Le jour de gloire est arrivé. On dirait une cathédrale. On dirait quoi? On dirait qu'on est dans une cathédrale. Amen. Ah, c'est joli. Contre nous, continue. Ah, je crois que je lui plais. Oui, mais alors pour la fécondation in vitro. Vous invitez des filles dans les vestiaires? Voilà, bien sûr. Et puis la coke et les putes. Oh les clichés. On veut savoir, nous on n'est pas sportifs, vous êtes d'accord Gisbert? Ah oui, complètement. On a envie de connaître les petits secrets de Pierre Boubi. On tient un footballeur, on veut savoir comment ça se passe. Mais il faut me suivre sur Twitter, je partage tout ça moi. Ah oui, c'est vrai que sur Twitter on peut avoir quelques réflexions de vos... Je mets des petites images du vestiaire de temps en temps. Ah c'est vrai? Ah ouais. Et de la savonnette? Je suis sur Periscope, donc, mais je fais attention aux dérapages quand même. Ah Chantal, vous voyez, vous pouvez le suivre sur Periscope. C'est vrai? Ouais. Periscope, c'est Chantal, tu peux nous expliquer Periscope? Un truc, on met une pièce dedans sur la tour Eiffel. C'est quoi Periscope? C'est quoi le Periscope? C'est parce que c'est Periscope? Non. C'est comme une application pour son sexe. Non, ben, non. C'est pas un truc ça. De sous-marin? Non, c'est. Ah, génial. Exactement. Bah, on a des sous-marins dans le vestiaire, du coup, je filme comme ça. Ah oui, d'accord. Periscope, c'est une application, Chantal. Déjà, je suis un petit peu sur Twitter. Oui. Ah, qu'est-ce une fois toutes les trois semaines. Oui, et bon. Alors comme les règles. C'est bien ça. Elle est bien. Non, ça m'amuse, je vois des choses. Ah oui. Et puis après j'oublie. Ah oui. Ouais, oui. Je tweete des choses qui me plaisent. Qu'est-ce que tu appelles Alzheimer ça? Non, tu retweets. Non, mais je tweete des choses qui me plaisent. Tu tweetes ou tu retweetes? Je retweete. Ah, tu retweetes. T'as jamais tweeté parce un truc? Parce que je ne sais pas bien écrire, c'est évident. Ah, oui. Et ça part très vite. Hein. Faut poser les moufs pour tweeter. J'ai même c'est pas mieux. Le temps de faire la correction, ça part. Il y a des trucs comme ça qui ne veulent rien dire du tout. Ah oui. Parce que j'ai mal tapé, vous voyez. Ah ouais, oui. Mais si, t'as bien tapé ce que tu voulais dire, c'est pour ça qu'on comprend pas. Même sur Twitter, elle articule mal. Non, tout ça, c'est très moderne, hein, ça va vite. Ça méritait d'être dit, oui. Chantal, c'est les meilleures chutes que je vois depuis très longtemps. En chute, elle est incroyable. Ouais. Elle a un bac chute. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Valises. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Disney et Pixar présentent le monde de Dory. Retrouvez Dory, Marin et Nemo. Dory, bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. Dans une aventure inoubliable que Dory va sans doute oublier. Je me suis souvenu de quelque chose. Il était question d'un crabe ou... Non, d'une huître. Non. Un truc? Non plus. Le monde de Dory, actuellement au cinéma. Avec RTL. Vous allez jouer avec les grosses têtes, avec la valise RTL qui regorge de cadeaux. Enfin, regorger, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, elle n'a pas été gagnée hier, la valise. Et puis, depuis quelques jours déjà. Pour être donc appelé par les grosses têtes et par Laurent, eh bien, votre inscription se fait attendre sur RTL.fr ou encore par SMS au 74 900 avec le mot-clé valise. RTL. La valise. 1001 euros dans la valise et 7 autres choses. Je ne vais pas rappeler toute la liste. On espère évidemment que notre auditeur ou auditrice emportera la valise et ainsi nous rappellera tout le contenu de cette fameuse valise RTL. Je me tourne vers ma chouchoute, Isabelle Mergaux. Oh non, non, allez-y, allez, demandez à Chantal, demandez. Non, moi c'est plutôt dans le privé qui me... Chantal, Isabelle, pardon, un numéro entre 1 et 20. 4. Le 4. Et c'est vous, chère Isabelle, qui allez appeler Quentin. Quentin Lacrome. Il habite Moise, monsieur Lacrome. Donc vous notez bien, Moise, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne, donc. Et on espère que monsieur Lacrome a bien écouté RTL ces jours derniers. Ça sonne. C'est la première sonnerie, ça, Isabelle. Merci de m'expliquer. C'est un téléphone. J'avais pas compris que c'était la première sonnerie. Quentin ? Oui. Bonjour, c'est Isabelle Mergaud. Bonjour, oh merde. Oh, je le crois pas. Alors on se connaît. C'est quelqu'un qui a taillé. Moi je vous connais, ouais. Oh merde. Ah, vous connaissez, ah, bah, voilà. Vous connaissez. Non, mais le oh merde, vous devinez forcément ce que ça veut dire. Allez, ça veut dire que vous n'avez pas noté la valise RTL. Ça veut dire que vous n'avez pas. Ouais, bon. Non, mais voilà. Et ben... voilà, le seul jour, comme par hasard, où j'ai rien, et ben voilà, c'est oh, aujourd'hui. Quentin, Quentin, Quentin. Comment ça vous avez. Oui. Vous avez rien. Parce Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom encore une fois, s'il vous plaît, parce que je réalise pas bien là. Quentin, vous êtes sur RTL. Ouais. Vous n'avez pas noté la valise. Vous n'avez pas quelqu'un autour de vous là qui pourrait vous aider? Maintenant, sors la main de ton short, Quentin. En plus, je suis tout seul. Oh, comme je suis désolée pour vous, Quentin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous dire? Je t'aime. Quentin, je t'aime. Oh là là. Maintenant, on voit l'adresse, Quentin. Ce soir, j'enregistre le replay et je le garde toute ma vie. Oh. Est-ce que vous descendez les poubelles? Pardon? Parce que ça m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse chez un homme, d'ailleurs. C'est qu'il sort les poubelles. J'en descends 4 fois par jour. 4 fois par jour, vous descendez les poubelles? Bon. Hors antenne, je vous laisse mon numéro. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Quentin ? Eh bien, vous n'allez pas le croire, je suis animateur. Animateur ? Ah, sur une radio, sur... Alors, je fais animateur BAFA, c'est-à-dire avec les enfants, et puis je suis animateur radio, pour l'instant bénévole. Et sur quelle radio ? Oh, sur une petite radio locale associative qui se situe au nord de Rennes, qui s'appelle Radio Soleil. Radio Soleil. Radio Soleil. Ah ouais, je connais. Oh, c'est chouette, Radio Soleil. Magnifique. Je connais dedans. Comment ça se fait que vous connaissiez, vous ? Parce que j'ai été étudiant à Rennes, donc je... C'est vrai ? Ouais, et c'est quoi le numéro ? Le truc là, vous savez, pour chercher avec le bouton, la fréquence. Bah, de là où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir capter, ce sera sur internet. Ouais. Et bah, disez quand même. Pour tous les Renois, les Rennais. Ça, c'est l'équipe de foot. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est l'équipe de foot, les Renois. Comment je suis physiquement? Ah bah, vous êtes comment physiquement, Quentin? Eh ben, Renois. Ah, c'était Renoir! Ah, bah voilà, en plus, il est Renoir! Mais tu joues au foot à Rennes, non? Non, je joue pas au foot! Non, parce qu'il y a que deux Renoir aussi au foot à Rennes. Renoir, ça veut dire quoi? Rennais, ça veut Rennais. Dire habitant de Rennes. Renoir, ça veut dire black noir. Et moi, j'ai voulu dire black Rennais. Noir, mais c'est bien ce que j'ai compris. Ah, voilà! Quentin, on est désolé, alors vous avez fait perdre. C'est génial d'être animateur sur Radio Soleil. Ouais. RTL est un peu Radio Soleil aussi, hein, il faut le dire. Oui. Oh, c'est radio. Et vous désirez être un animateur connu plus tard, non? Non. Vous voulez dire prendre les rênes des grosses têtes? Oui, c'est ça, oui. Et voilà. Il va falloir attendre 37 ans. Même l'ancien, il est encore là. C'est comme les... Vous savez, c'est comme les deux papes. Vous avez Benoît XVI qui est toujours là et, au cas où, et François Ier, vous voyez. Allô, Bouvard. Bah écoutez, Quentin, en tout cas, c'est perdu pour la valise RTL. Et non, si mais vous avoir eu au téléphone, voilà, ça me fait ma journée. Ah bah j'imagine, 1001 euros, le DVD Joséphine, un coffret de chocolat, un séjour en famille à Vulcania, le livre de Claude Pujade de Renault, tout dort paisiblement, sauf l'amour. Là, le smartphone Arcos, la tablette Arcos, le livre de Guy Carlier, Qui veut tuer Mathieu Valbuena, et alors une 17e étape du Tour de France accueillie en VIP, ça veut dire que vous surveliez, si vous aviez gagné, vous auriez survolé le Tour de France en hélicoptère. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est quand même génial. Bon, bah, je suis désolé, Quentin. Non, mais c'est pas grave, je retenterai. On lui envoie une montre RTL, Isabelle. Homme ou femme? Allez, homme. Non, mais ça aurait pu être pour votre ami. Eh oui, et ben, comme j'en ai pas, on va dire que ça pour moi. Ah, ouais. T'es dans la place, Renoir, c'est bien. Je sentais qu'il était célibataire et que vous aviez un ticket, Isabelle. Eh ben, vous savez où me trouver, moi je sais où. Je vous ai fait la coupe pendant 2 minutes, vous auriez dû deviner. Vous avez fait la cour. Rapide, hein. Ça suffit d'habitude. Ah bah j'aimerais bien que vous me tondiez la pelouse aussi. Et puis comme ça, ce sera plus facile pour rentrer après. Voilà. Et vous descendiez la poubelle et moi je vous épouse, hein. Exactement. Eh ben on fait ça. Quel âge vous avez, Quentin? 40, il a dit. Non, j'écoute tout ce qui. 42? 22, bien sûr. 22. T'es un peu jeune quand même, Isabelle. Un peu jeune, mais oh, je suis encore... Quentin. Oui. Je vous rappelle. D'accord. Bah pour la valise, on vous rappellera une autre fois en tout cas. Je vais tout de suite ajouter dans la valise RTL un DVD édité par Lina en partenariat avec RTL. Ça s'appelle ce DVD Jean-Yann revient, on est devenu trop con. Et c'est génial. Ses meilleurs sketchs, ses meilleures chansons en images. C'est un documentaire inédit sur Jean-Yann avec évidemment les fameux sketchs, le permis de conduire, la circulation à Rome, le manifestant professionnel, la vérité sur le twist, mais aussi les chansons J'aime pas le rock, Ave Maria, l'alcool est un vilain défaut aussi. Tout Jean-Yann en DVD. Notez bien, c'est en plus dans la valise RTL. Maintenant, Jean-Yann revient, on est devenu trop con, un DVD édité par Lina. Salut Quentin, on vous envoie la montre RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. MAF Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TAEG fixe sur 12 mois. Ben oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 €, ça vous fait 12 mensualités de 421 €, soit un montant total dû de 5 041 €. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Ce métier est devenu de plus en plus difficile. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Moi, je suis pas d'accord. Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. Ça traduit la réalité quotidienne. RTL Midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Tout le monde essaie de faire avancer les choses. Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. RTL. Première radio de France. Vous écoutez RTL, il est 17h. Olivia Leret pour les infos. Bonsoir à tous. Manuel Valls répond cet après-midi aux critiques sur la marche arrière du gouvernement. La manifestation contre la loi travail est finalement autorisée demain à Paris. Tout a été fait ensemble pour permettre cette expression démocratique, rétorque le Premier ministre au député André Chassaigne à l'Assemblée. Manuel Valls appelle les syndicats à respecter intégralement leurs engagements quant au service d'ordre qui doit être déployé pour prévenir les violences. Je vous rappelle que le parcours est réduit. Il ne sera long que 1 km au départ de la place de la Bastille. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Olivia. Le volte-face de l'exécutif à la une d'RTL Soir. Absolument, ce rétropédalage spectaculaire. Donc on va vous expliquer pourquoi le gouvernement a dû se dédire. À 18h20, Jean-Luc Mélenchon sera notre invité. À 18h30, Alain Duhamel reviendra, décryptera donc ce compromis flottant. À tout à l'heure, 18h20 RTL Soir. Dans la foulée, tous les syndicats réclament l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements du maintien de l'ordre lors des précédentes manifestations. De nombreux manifestants sont délogés, pourchassés, blessés, interpellés par les forces de police, alors même qu'ils n'ont commis aucune infraction, dénonce la CGT et Solidaires notamment. L'avenir de l'Union européenne se joue demain, prévient François Hollande à un jour du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Le président de la République effectuera une visite à Berlin la semaine prochaine, quel que soit le résultat du vote. Objectif, travailler à la relance de la construction européenne avec Angela Merkel. Un accord quasiment conclu entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Le cessez-le-feu sera définitif et officiel demain lors d'une cérémonie à La Havane. Le jeudi 23 juin, nous annoncerons le dernier jour de la guerre, a annoncé sur son compte Twitter un négociateur de la rébellion. 18 ans de prison requis contre Thierry Darentière par la cour d'assises des Yvelines. Thierry Darentière, c'est cet ancien directeur de maison de retraite de 52 ans. Il est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement au moins 66 garçons mineurs au Sri Lanka, en Tunisie et en Égypte pendant 10 ans. Il a reconnu les faits sans pouvoir évaluer le nombre de ses victimes ni exclure qu'elles puissent être plus nombreuses. Une retraitée de 79 ans retrouvée morte dans les décombres d'un immeuble à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Le bâtiment s'est effondré cette nuit, certainement dû à un défaut de structure selon la préfecture. 6 personnes ont aussi été légèrement blessées. Euro de football, c'est à suivre dans RTL Grand Soir d'Euro. On connaîtra ce soir l'adversaire de nos Bleus pour les huitièmes de finale. Le programme dans moins d'une heure, Hongrie-Portugal et Islande-Autriche. À 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique. En attendant, les pronostics avec Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivia, on s'attarde sur le match entre Irlandais et Italiens à 21h ce soir au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, à suivre en intégralité sur RTL. La cote pour une victoire de l'Italie est à 2,40. Le match nul est à 3,20. Le succès de l'Irlande à 3,50. Cote sujette à évolution. Les Italiens ne sont pas les grands favoris de cette rencontre. Pourquoi ? Parce qu'une large revue d'effectifs de la part d'Antonio Conte, le sélectionneur italien, est annoncée. La Squadra Azzurra a assuré sa qualification et la première place du groupe après deux rencontres. L'occasion donc de donner du temps de jeu aux habituels remplaçants. Et les Irlandais, eux, avec seulement un point au compteur, ont besoin d'une victoire et ils pourront participer au huitième de finale. Ce serait historique. Prochain rendez-vous pronostic à 20h15 dans RTL Grand Soir d'Euro avec l'équipe. À tout à l'heure. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La météo, attention aux orages dans le nord-ouest. 13 départements sont placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à demain matin 6h. Cela va de la Loire-Atlantique au nord en passant par la Manche et l'Eure. L'épisode sera localement violent, accompagné de fortes pluies, de vent et de grêle. Demain, beau et grand soleil sur une majeure partie de la France. Toujours des averses et des orages sur une moitié nord-ouest. Les températures 16 degrés à Rouen, 18 à Brest, 21 à Cherbourg, 27 à Perpignan et à Nice, 30 degrés à Nîmes et à Limoges, 32 à Toulouse, 33 à Dijon et jusqu'à 34 degrés à Auxerre, Valence, Lyon et Grenoble. Vous êtes sur RTL, il est 17h04. Vous retrouvez la suite de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaux, Chantal Latsou, Pierre Boubi, Jean-Jacques Perroni, Baptiste Le Caplain et Franz-Olivier Gisbert. Et d'ailleurs, la prochaine question est pour vous, Franz-Olivier Gisbert. Peut-être aussi d'ailleurs pour Jean-Jacques Perroni. Je ne sais pas lequel des deux préfère. C'est gentil pour nous. Hein, pardon, Isabelle. C'est la culture, c'est pour ça. C'est pas très habile. C'est pas très habile. Et puis ça ne nous motive pas. Vous devriez nous motiver. Non, mais enfin, c'est pas une question pour Pierre Boubi. Vous avez lu Proust, Pierre Boubi? Ah, bah moi je connais Proust. Ah, bah merci, tiens. Ah, bah écoutez, alors très bien. Alors vous avez vos chances, Isabelle, si vous avez lu Proust. Je ne sais pas qui d'Isabelle Mergaux, de Jean-Jacques Perroni ou de Franz-Olivier Gisbert est le meilleur expert en Proust. Vous-même, peut-être Chantal Latsou? Absolument, oui. Ah oui. Vous avez lu tout Proust? Oh là là, dedans, oui. Elle confond à la Proust avec les formules. La Madeleine et compagnie, bien sûr. Ah, la Madeleine. Pas les Madeleines, la Madeleine. Là, vous savez, si vous voulez passer un bon moment, Monsieur Ruquier, vous lui demandez de nous résumer la recherche du temps perdu. Alors, ce n'est pas la question, mais on n'est pas si loin, puisque, évidemment, la recherche du temps perdu est en 7 tomes, ça vous le saviez, évidemment, l'un et l'autre. Isabelle... Non, laissez tomber, allez-y. Mais Isabelle, répondez-moi directement à la question. Comment s'appelle le dernier tome de la recherche du temps perdu? Le temps retrouvé. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, non, c'est le quatrième. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Oui. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième. Un amour de Swann. Un amour de Swann, enfin du côté de chez Swann, c'est le premier. Ah oui. La tête de veau est dans le frigo. Alors vous m'avez dit, du côté de chez Swann, ça c'est le premier tome. Vous m'avez dit le temps retrouvé, c'est même moi qui vous l'ai dit, c'est le dernier. Vous m'avez dit Sodome et Gomorre, c'est le quatrième. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième. Et moi je vous demande l'avant-dernier. La fugitive ? La fugitive, c'est le titre original. Bravo, Isabelle Mergaux. Ah, est-ce que je vous l'accorde? Alors, parce qu'il faut savoir que quand ça a été publié, ça n'a pas été publié sous le titre La fugitive, car ce titre était déjà pris. Il faut dire que ça a été publié de manière posthume, les derniers tomes à la recherche du temps perdu. Mais effectivement, vous avez raison, Proust avait appelé... Je peux même vous dire comment ça commence, La fugitive. Allez-y. Albertine est partie. Alors, donc le titre, c'est... Albertine est partie. Ben, je vous l'accorde. Albertine bien, disparue. Albertine disparue. La fugitive. Bravo. Excellente réponse. Bravo. Isabelle Mergaux. Bravo. Albertine disparue ou la fugitive, c'était le véritable titre au départ que Proust avait donné à ce sixième tome. Et le tome qui manque, c'était le troisième aussi, mais je vous interrogeais pas là-dessus, qui s'appelle Le côté de Guermantes. Alors, le petit résumé maintenant, Chantal. Ah, alors, je vais lire Proust, finalement. Ah. C'est... Tu Est-ce sais que quoi t'es obligé de lire tous les tomes. Tu sais quoi, ça te plairait. Il n'y a rien de plus simple que la pensée de Proust. Moi, j'adore. C'est agréable, ça aussi. Non. Du coup, je peux le lire aussi, moi. Non, je prends le conseil. Limite, elle a dit, tu vois, tu vas adorer, il y a des images. Dit, on dit toujours, non. On dit toujours que c'est compliqué, etc. C'est fluide. C'est le plus grand. Voilà. Moi, voilà. J'aime bien. Et faut commencer par quel tome? Le premier, si c'est pas une histoire suivie. Non, tu peux commencer par la fugitive. C'est extraordinaire. Ben je prends note et je vais. Et tu peux commencer aussi par Un amour de Swann. C'est une beauté totale. C'est ça va faire beaucoup pour l'été. C'est à côté. Quand même, hein. C'est un roman qui est à côté. Ah oui, c'est une histoire d'amour magnifique. C'est vrai, il faut que je m'y mette un peu quand Qu'est-ce même. Qu'est-ce que tu vas faire cet été, Chantal? Ben, je vais lire Proust. Va ben, prendre un an de vacances. Ça va être chouette sur la plage. Ah, oui. Surtout si vous emmenez les 7 tomes, dites donc. Ah, ouais, les deux, oui, c'est d'accord. Je vais pas en emmener 7, j'en emmenais un. Oui, voilà. Alors, alors lequel vous prenez, finalement? Ben, je vais prendre. Prends la fugitive. Je peux le lire aussi, non? Oui. Parce que vous n'avez pas lu Proust. Non, je sais qu'il a vécu à Deauville, mais. À Cabourg, pardon. On peut le lire ensemble. Ouais. C'est au Grand Hôtel, là, c'est le ça. Grand Hôtel de Cabourg. Voilà, c'est ça. Chambre mais j'ai jamais. Non, j'ai jamais lu Proust. Non. On peut le lire ensemble, je te lirai tout haut sur la plage. Oh, putain. Ah, je voudrais t'entendre lire Proust. Elle te lira que les consonnes. Vous voyez Boubi sur la plage avec Chantal qui vous lit Proust? Ouais, carrément. Avec je vais un Ouais, un parasol. Enfin, moi, il y a longtemps, je me suis couché de bonne heure. Viens, c'est l'heure, on rentre à l'hôtel. Les footballeurs vont bronzer sur la plage. Ouais, mais moi, j'ai un corps assez atypique. Moi, je suis parti en vacances et à chaque fois, je prends le soleil. Chaque fois, si je me protège pas, je fais des allergies. Donc la dernière fois que je suis parti en Corse, le deuxième jour j'étais brûlé et elle m'a dit qu'il y en avait pour 4 jours de crème. Donc du coup j'ai passé mes vacances en t-shirt et au bar. Mais je te mettrai de la crème. Voilà. Mais c'est excellent. Je te mettrai la 50. Ouais, mais après je reviens blanc. Là je suis revenu de vacances il y a 2 semaines. Tout le monde me demande quand est-ce que je pars. Forcément. Vous pourriez rougir ensemble en lisant Proust. C'est beau, hein. On s'imagine c'est bien. C'est joli, ça, oui. On s'imagine bien ce nouveau duo, hein, là-dessous Boubi sur la plage. Conseillé par Isabelle Berriou. Et si vous vous reproduisez, montrez les enfants, faites des photos. Hein. Faites des périscopes. Est-ce que Chantal là-dessous est dans la catégorie type des femmes de footballeurs? Est-ce qu'elle ressemble aux femmes de footballeurs? Ah oui. Ouais. Celle de Raymond Coppa et Juste Fontaine. Juste Fontaine. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Je te vois venir toi. Oui, et vous n'en croirez pas vos yeux, hein. Chez Lidl, ils ont les lunettes de roman saveur de nos régions parfum au choix à 1,99€ le paquet 350 grammes. Le paquet de lunettes de roman saveur de nos régions, 1,99€ chez Lidl, ben voyons. Ah mais c'est tout vu, à ce prix-là et saveur de nos régions, j'en ai déjà les yeux plus gros que le ventre. Et là, t'arrêtes d'en faire tout un roman, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,69€ le kilo. Prix valable du mercredi 22 au mardi 28 juin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bon plan, entretien auto. Euro Répar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Euro Répar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Euro Répar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorepar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorepar.fr. Il est 17h11, c'est que ça trotte à Reims, Claude-Pierre Santi. Oui, Reims qui a fait le bonheur d'un parieur. Il est le seul à avoir trouvé la combinaison gagnante du quintet. 11, 3, 14, 16 et 7. Elle est payée 364 000 euros. C'est tout ce que j'ai gagné alors. Voilà. La sixième, succès du 10, c'est Boston du Perche, 8,20 et 2,40. Devant le 11, Beau de la Vitare, 1,80. Et là, ce Bella du Villiers, 5,20. La septième, tir groupé de l'écurie de Jean-Luc, entraînement Jean-Luc d'hier soir, avec le 3 Sirius Giel qui s'impose, devant le 8 Cookie Giel et le 11 Caragiel qui conclut 4e. C'est intercalé le 14 Chef de Brie, donc 3, 8, 14 et 11, la 7e. Dans un petit peu moins de 15 minutes, le départ de la 8e. Pour connaître le résultat de cette 8e course, la totalité des résultats de cette réunion rémoise et les pronostics de Bernard Glass pour la réunion de demain à la teste, 32-10 et le site onrefaitlescourses.fr. Merci Claude. Retrouvez votre grosse tête Chantal Latsou au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, non pas pour une lecture de l'œuvre de Proust, mais pour les dernières représentations de Nelson. C'est autre chose. Jusqu'au 3 juillet. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Fabienne, vous habitez Comte. Toute l'équipe vous dit bonjour. Bonjour. Bonjour. Fabienne. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, Fabienne. Tout à fait. L'équipe était un peu occupée, je tiens à vous dire. Il y avait Isabelle Mergaux qui était en train de draguer notre footballeur, pendant que Chantal Latsou elle-même faisait de gros yeux, car elle n'aime pas quand même qu'on lui pique Elle faisait le chandelier, quoi. Eh oui, qu'on lui pique la nourriture devant ses yeux. Elle fait pas les gros yeux. C'est joliment dit. On dirait du Guitry. En plus, je sais pas, tu me regardes tout le temps, Boublil, non? C'est toujours pas Boublil. Ouais, si tu commences à écorcher mon nom, on va pas y arriver, là. C'est vrai qu'elle a un forfait voyelle, hein, c'est dingue. Boubi, B-O-U-B-Y. Boubi? C'est Boubi. Oui, c'est mignon. Booba, mon gentil Booba. Tu connais ça? Ouais, mais c'est Y à la fin. Ah, c'est Y, d'accord, ouais. Fabienne, pendant qu'ils sont occupés à prévoir leurs vacances ensemble, vous allez pouvoir éventuellement vous-même envisager de passer un week-end magnifique au château de Pizet. Un hôtel 4 étoiles vous attend en plein Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Oh ben ça, c'est impeccable. Une suite duplex, 80 hectares de vignes, ouais, des jardins à la française, des tourelles médiévales, une cour d'honneur, une cave bicentenaire. Un spa de 1000 mètres carrés, un bassin aux 18 animations hydromassantes. Oh, ça, on s'en fout. Ça fait rêver. Ah, ça fait rêver. Hein. Vous avez un mari, Fabienne ? J'ai un mari, tout à fait. Et ben avec votre mari, vous allez pouvoir profiter de cet hébergement et de ce pass pour le spa Aquasens du château de Pizet. Pour ça, Fabienne, il faut répondre à une question cinéma. Vous avez fait attention un peu aux sorties cinéma du jour. On est mercredi aujourd'hui. Oui. Alors normalement, vous devriez répondre. La question concerne un film brésilien. Un film brésilien qui s'appelle Le professeur de violon. Et ce film se passe à Héliopolis. Mais où se trouve Héliopolis ? Avec un H. Avec un H. Dire en Égypte ? En Égypte, non. Alors c'est vrai qu'il y a Héliopolis en Égypte. Tapez sur votre ordi. Mais c'est pas là où ça se passe le film, puisque je vous ai dit que c'était un film brésilien. Ben alors, mais oui, mais ça peut être brésilien et tourné en Égypte. C'est vrai, mais cet Héliopolis-là n'est pas en Égypte. Oui, et il y en a un en France. Non. C'est en Europe? Non, c'est au... Au Brésil? C'est au Brésil. Vous avez un ordinateur, mademoiselle? Ah, je crois peut-être savoir. Oui. Je vais vous aider, c'est une favela, Héliopolis. Hein. Mais attention, il y a quand même 125 000 personnes qui y vivent dans cette favela. Une favela de quelle ville, en fait? Je vous aide. C'est vachement facile. Ah ouais, c'est facile. Mais moi, Rio, je sais pas, Rio. Ah ben non, Rio. Sao Paulo. Sao Paulo, c'est gagné. Yeah, super. super. Et oui, d'ailleurs, si vous avez suivi l'article de presse publié ce matin, vous pouviez faire erreur parce qu'ils mettent que c'est effectivement la plus grande favela de Rio de Janeiro et c'est une erreur car le film se passe dans la favela d'Héliopolis à Sao Paulo. Un million de mètres carrés quand même la favela, 125 000 personnes et il se trouve que ce professeur de violon va devoir enseigner la musique à ses enfants qui ont pour parents, pour la plupart, des chefs de gang, évidemment. Et c'est tout l'intérêt du film qui, paraît-il, est très très réussi. Un film dramatique, musical et brésilien. Un professeur de musique, de violon, qui voulait évidemment intégrer l'orchestre symphonique de Sao Paulo, mais qui se retrouve, puisqu'il a raté son concours, à devoir enseigner à des enfants, on va dire de brigands et de bandits, des enfants en tout cas de la favela. Ça doit être très intéressant, bah j'imagine. Oui, puisque les parents sont déjà au violon. Exact. Le professeur de violon vous fait partir en tout cas dans le Beaujolais, Fabienne. Oh là là, c'est génial. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe et merci à RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabienne ? Secrétaire. Secrétaire de qui, de quoi ? Dans un institut accueillant des enfants handicapés moteurs. Ah, très bien. Et vous écoutez les grosses têtes depuis toujours ? Depuis peu. Ah, ça, oui. Je vous connaissais, mais il y a pas longtemps que je vous écoutais. Je me régale. Ah ben, écoutez, c'est toujours sympathique de savoir qu'on a des nouveaux auditeurs. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Qui vous écoutiez avant ? Et comment vous êtes arrivé sur RTL ? J'écoutais Luna.

Alors, il y a le magma. Alors, j'ai dit une connerie. Il y a le noyau. Le noyau. La croûte. Et entre la croûte et le noyau, la qu'est-ce mie? La mine. Ah oh bah alors je vois pas. Le permafrost. Non, non. Attends, c'est un mot compliqué comme ça, non, comme il vient de dire. Ah non, c'est tout simple. Ouais. Plus simple que ça, tu meurs. La stratosphère. Non, non, non, non. Oh, la stratosphère. De quoi ça sonnait bien. La plaie, la plaie. Trop, en dessous de la croûte, il y a la plaie. Oui. Oui. T'as raison. Elle a raison. Oh putain, je suis entouré de pansements. Elle a lu tout Victor Hugo. Oh là là. Oh, oh bravo. Oh, bravo. Oh oui. Ça oui. Énorme. Alors, il y a une première couche, c'est la croûte. Une troisième, c'est le noyau. Et entre la croûte et le noyau, vous avez... Le cœur. C'est comme la peau, il y a le derme et l'épiderme. Oui, voilà. Et puis merde aussi. Quand on plante, par exemple, des plantes, on le trouve ? Quoi ? Quand on plante des plantes, si tu, mais tu plantes, si t'arrives à planter des plantes qui vont juste, enfin qui vont en dessous de la croûte, c'est que t'as des sacrés planchers toi. Mais parce que la croûte, elle est importante. Comment ça la croûte? Elle fait combien de mètres votre croûte? Non, on va. Je vous en pose des questions. Ah, il sait pas. Ah, oh, d'accord. Non, mais je veux dire, effectivement, elle a raison. Quand vous plantez. Je peux vous dire. Quand vous forez. Quand vous forez. Vous voulez que je vous le dise vraiment? Oui. Parce que je peux vous dire. Oui, dites. Alors, je vais vous dire exactement que ce dont je vous parle commence à peu près hein, à 30 km. Vous voyez, ah oui, ah oui, c'est le ah, bon. Ça fait long pour planter les hortensias. C'est ce qu'il était en train de vous expliquer, Boublil. Ah bah c'est la lave. Pardon ? La lave. Non, non, non. Non, non, c'est non, pas le cœur. Pendant 30 kilomètres, vous avez la croûte, vous voyez, à peu près. Entre 30 et 60... Ah, c'est là de la bonne croûte. Sous la terre, hein. Sous la terre. Ah, bah oui, sous la terre. Mais sous la terre, c'est pas sur une pizza. Non, non, non. Et puis ensuite, vous voyez, parce que le noyau, il arrive... le noyau, il arrive loin. Ah bah oui. Le noyau, il arrive vers 2000 kilomètres en dessous. Ah, ouais. Ah, ça fait une sacrée trotte. Hein. Ah ouais. Mais alors, entre la couche... qui est la première croûte, la croûte qui est la première couche. Après les premiers 30 bornes. Pardon ? Après les premiers 30 bornes. Exactement. Une fois que vous avez enlevé la croûte. Bah, une fois que vous avez fait 30 bornes, vous faites une pause ? S'il y a des géologues qui nous écoutent. Mais c'est un mot simple en plus. Pourquoi je suis allé chercher une question géologie, moi aussi ? Eh ben, je sais, il y a la nappe phréatique. Non, non. Ah, mais non. À 30 km. La croûte. Mais vous connaissez que ça, ce mot. Ah, le cœur. Non, pas le cœur. Presque. Un mot qu'on utilise presque comme le cœur. Le corps. Qui veut dire autre chose le pour corps, nous. Le corps. Un mot qu'on utilise presque tous les jours. Apéro. Ça commence par quelle lettre ? Il vous reste 30 secondes. Oh, attendez, un mot qu'on utilise tous les jours. Oui, enfin, tous les jours. En tout cas, un mot facile qui veut dire d'autres choses dans la vie, vous voyez. Ça a un rapport au corps humain ? Non, non. Non, c'est pas normal. Le flin ? Un peu quand même. Le fromage. On est un peu comme la terre, nous aussi. Quoi ? Le fromage. Le flin. Le poumon. Merde. La chair. Oh là là. Le poumon, c'est pas bête, le poumon. La chair, ça pourrait être aussi. La chair, non. Le poumon. La moelle. La moelle, non. Oh là là là là, encore 300 euros. Oh bah oui, bah. Tant mieux pour Julien Bégaud, Paris 13e, qui va donc recevoir un chèque RTL entre la croûte, donc qui se trouve. En plus, il ne le sait même pas, il va être payé. Qui ça ? Bah, le gars qui va gagner. C'est le principe de l'émission. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir au bout de 2 ans, Chantal ? Il n'est pas obligé d'avoir la réponse, on n'est pas qui va gagner 10 millions. Les auditeurs sont associés à des questions, Chantal. Ils oui, mais il ne le sait pas. Comment ça, il ne le sait pas ? Il ne sait pas la après réponse. La croûte. Qu'est-ce qui se passe après la croûte ? Bah non, mais c'est comme ça, mais c'est un. Mais c'est... il va être payé quand même. Bah ouais. Ah, vous en tenez, et vous tenez les trois couches. Oui, toi. La croûte, le noyau et le manteau. Ah, le oui. Manteau. Ah, c'est pas logique. C'est pas logique. Voilà, je suis entièrement d'accord. Le manteau terrestre. Eh bien, non, le manteau est sous la croûte. C'est pas logique, ça devrait être le contraire. Alors, la croûte, elle est sous les manteaux. Enfin, eh ben non, quand on a des manteaux, on a les croûtes dessous. Eh ben non, non, non, le manteau est sous la croûte. Et puis, ça n'a rien à voir avec le corps humain, en fait. Bah, si, quand vous mettez un manteau, vous mettez bien sur votre corps. Bah, quand on a dit le cœur, vous avez dit c'est pas loin.

Le gouvernement chinois ne voulait pas qu'il pleuve le jour de la cérémonie d'ouverture à Pékin. Ils ont donc envoyé des avions avec des roquettes pour creuser les nuages et qu'il pleuve avant la cérémonie d'ouverture. Attendez, c'est formidable si on peut faire ça. Ah ben, il paraît, il paraît. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour la France, là? Bah, justement. Ah ben là, il y en a plein de tirs de roquettes puisqu'il pleut depuis... Exactement. Alors, c'est un papier que j'ai découvert dans le journal 20 minutes. Un papier qui est titré « Mais que peut faire François Hollande contre la pluie ?» Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, et demain, on nous annonce deux beaux jours. C'est vrai que d'un seul coup, il fait chaud, hein, Chantal, vous avez remarqué. Mais je me suis habillé en hiver, j'avais pas remarqué qu'il faisait si chaud. Ah oui, vous avez mis votre manteau terrestre. Mais oui. Remettez pas ça sur le tapis, quand même. On n'est pas sorti, là. Et sauf que ça n'a pas duré. Il paraît que pour ce week-end, paf, ça repluviote. Que faire contre la pluie? Alors, peut-être faire comme les Chinois, hein, envoyer des avions pour crever les nuages. Il paraît que c'est un truc qui se fait. Je crois pas trop, quand même, à cette méthode. Il y a une méthode plus traditionnelle. La danse? La danse de la pluie. Ne croyez pas si bien dire. Il y a la danse du soleil. C'est les Sioux qui pouvaient faire cette danse du soleil qui s'appelle le Wiwanayak Wasipi. Ouais. Et sauf que c'est trop tard maintenant. Il fallait faire ça 12 jours avant le solstice. Ah, on vous dit pas. Vous pouvez aussi, évidemment, envoyer des œufs à Sainte-Claire. Car Sainte-Claire. Ah, comment elle va? Ah, bah, Sainte-Claire, c'est celle qui fait soleil. Ah, bah oui, s'il fait clair, c'est qu'il fait soleil. Oui, sœur Claire du monastère des Clarisses de Senlis. Ça rime. Explique que souvent des jeunes mariés viennent lui apporter des œufs, selon la tradition, pour qu'ils aient beau temps à leur mariage. Sainte-Claire des Clarisses. Alors que mariage plus vieux, mariage heureux. Oui, mais c'est mariage plus vieux. Plus. Non, pas plus. C'est mariage plus vieux. C'est pas du tout mariage pour avec les vieux. La pluie. Plus vieux. Non. Mais si, ils sont là, je leur connais un rayon. Mais comment tu sais? Parce que je sais des trucs. J'ai rencontré un chauffeur de taxi. Oui. Philosophe. Oui. C'est-à-dire que je lui disais, oh là là, c'est le seul temps, c'est quand même déprimant. Il dit non, il dit, l'eau c'est la vie. Il faut vivre avec ça. L'eau c'est merveilleux, si on n'avait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. C'est passionnant. Tu l'as payé en liquide, alors? Et t'es content? Et toi, Jean-Jacques, cette phrase philosophique, l'eau, c'est la vie, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, honnêtement, je ne crois pas beaucoup aux proverbes, en fait. Vous-même, vous préférez jouer sur terrain gras? Parce qu'on a vu là, quand même, que c'est vrai, ça n'a pas favorisé certains matchs, l'état des terrains, la pluie. Ouais, c'est une catastrophe. Parce que je les vois toujours glisser avec leurs crampons. Ça, vous pouvez peut-être nous expliquer. Ah bah oui, un professionnel parmi nous, autant en profiter. Oui. Pourquoi ils glissent? Pourquoi ils ne changent pas de crampons, les footballeurs, quand le terrain est glissant? Déjà, on n'a pas le droit de dépasser une certaine dimension. Ah. Et puis, pour jouer avec des talons aiguilles, c'est pas facile quand même. Non, puis quand ça glisse. Hein. Ouais, voilà, après, c'est pas une... C'est pas faux non plus. Non, mais quand c'est à ce point, crampon par crampon, ça glisse. Mais vous non, mais préférez, là, c'est pour savoir, Isabelle veut savoir si vous préférez jouer sur pelouse sèche. Ah, je préfère les terrains glissants de loin. En même temps, tu peux faire des... J'aime bien. Mais vous faites mal quand vous glissez. Ah, c'est mieux de tomber sur un terrain glissant que sur un parking quand même. Oui, mais tu peux te faire une élongation quand sur un terrain glissant. Ouais, mais sur un terrain sec aussi. Moi, personnellement, si j'en ramène tout à moi, j'adore. Je me suis fait une élongation dans un hôtel. Ça glisse pas dans un hôtel. Si. Ah, dans la baignoire, t'as glissé où? J'ai glissé dans la salle de bain. Ah. Et je me suis fait le grand écart. T'as pas mis tes sandales. Et je me suis fait très très mal à l'intérieur des cuisses. Les adducteurs. Donc, glisser, oui, non, je pense que c'est. Qui est venu te débloquer? Mais c'était terrible. Et comme j'avais pas mes lunettes, je me suis mis aussi de la crème, mais c'était de l'après-rasage. Oh la vache. La vision, tu rentres dans la salle de bain, grand écart, aftershave. C'est bien, votre mari a dû vous dire, tiens, vous avez les jambes moins poilues ce soir. Vous voulez aller jouer dans la salle de bain de Chantal là-dessous? Ah, c'est un peu trop glissant là, par contre. Les grosses têtes sur RTL. Bon plan, entretien auto. Euro répare car service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques. 59 euros? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus? On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça. Pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. C'est la MAF. Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF. Que se passe-t-il à 17h37 sur RTL? C'est la bourse en direct avec Les Échos et Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. À la veille du grand jour, la bourse garde bon espoir. Et oui, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour le référendum britannique, le marché parisien joue clairement le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. Après un gain de près de 5% en 5 séances, le CAC poursuit sur sa lancée, grappille encore 0,3%, 4380 points, dans un volume toutefois un peu limité à 1,7 milliard d'euros sur l'indice. Alors même optimisme à Londres où le FTSE, c'est l'équivalent de notre CAC 40 mais avec 100 valeurs au lieu de 40 valeurs, et bien ce FTSE est également au progrès aujourd'hui. Sur le marché d'échange, la livre remonte nettement 1,4710. Alors que se passe-t-il à Wall Street? Et bien le Dow Jones, il a ouvert en hausse, les boursiers n'attendent pas de hausse des taux au mois de juillet aux États-Unis. Enfin, dernier point positif, le pétrole demeure assez bien orienté avec un Brent toujours au-dessus des 50 dollars. Au CAC 40, Sanofi, Crédit Agricole, Société Générale gagnent 2% environ. Hors du CAC, on a Rothschild, ST Micro, Ingenico et Tarkett qui, elles, progressent de plus de 2,5%. À l'inverse, Bouygues était en forme hier, et bien il repère 1,6% aujourd'hui. Très bonne soirée Virginie, et on aura encore du suspense demain, car le résultat sera vendredi matin à 7h du matin. On sera à votre écoute. Voilà. À demain bonne soirée quand même, hein. Virginie. RTL, première radio de France. C'est la suite de vos grosses têtes, Laurent Ruquier. Une citation pour monsieur Florian Remond qui habite Fretin, c'est dans le Nord. Il est tout menu. Menu Fretin, oui bien sûr. Qui a dit, parmi tous les péchés, j'aime assez l'avarice, car c'est le seul péché qu'on peut avoir même quand on est pauvre. Français. Français. 19e. 19e, non, très contemporain, même s'il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort. Desproges. Non, Desproges, non. Un humoriste. Un humoriste. Raymond Devos. Raymond Devos, non, mais un grand classique. Hein. Il est mort. Coluche. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Oh, il est mort en 2003, ça fait quand même 13 ans déjà. Desproges. Non, pas Desproges. Desproges, c'est bien plus ancien. Hein. Il est mort dans les années 80, Desproges. Oui. Ah oui, on ne croirait pas. Mais c'est un chansonnier. Non, quelqu'un qu'on connaît bien ici aux grosses têtes. Sim. Avec qui j'ai eu la chance moi-même de travailler, vous aussi. Jean Amadou. Sim. Non. Jacques Martin, non. Jean-Yann. Bonne réponse d'Isabelle Mergault. Mais oui, c'est Jean-Yann. Parmi tous les péchés, j'aime assez l'avarice, car c'est le seul péché qu'on peut avoir même quand on est pauvre. Une autre citation pour Roland Antoniotti, qui habite La Roche-sur-Yon. Après 30 ans à passer à étudier la psychologie des femmes, je n'ai pas trouvé de réponse à la grande question « Que veulent-elles au juste ?» Chacha Guitry. Non. DSK. DSK, non. C'est quoi? C'est contemporain? Contemporain, oui. Qu'est-ce que vous appelez toujours contemporain? Vivant. Ah non. Non, il est mort il y a quelques années. Oh, il est mort en 1939. Oh, bah quand même. J'appelle ça quand même contemporain. Bah, oui, on peut il dire. Il était français? Ah non, il n'était pas français. Anglais? Il est mort à Londres. Hemingway? Non. Il est mort. Alors son copain, comment il s'appelle? Le copain d'Hemingway ? Oui. Ernest ? Il est mort à Londres, alors. 1939. Il est mort à Londres en 1939, exact. Donc c'était un écrivain ? Écrivain, ce n'était pas sa fonction essentielle, même s'il a beaucoup publié. Acteur aussi ? Acteur, non. Après 30 ans passés à étudier la psychologie des femmes, je n'ai pas trouvé de réponse à la grande question « Que veulent-elles au juste ?» C'est pas Georges Bernard Shaw, quand non. même. Non, il était journaliste. Journaliste, non. Il avait un autre métier que... Ah oui, il y a d'ailleurs un indice dans la question, tout de même. C'est Sigmund Freud. Ah oui. Et c'est Freud. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Freud. Une autre citation pour Gwenaëlle Zara, qui habite Bourg-les-Valences, c'est dans la Drôme. Elles vont être contentes, les Valences. Qui a dit la célébrité, c'est d'être dérangée pendant qu'on mange par une quinquagénaire américaine à queue de cheval. Donc c'est un Américain. C'est un Américain. Alors c'est pas un Américain, c'est un Britannique au départ. Il était connu, il était très connu. Il est toujours vivant. Et il est toujours vivant. Toujours vivant. La balade. Il est anglais ? Il est anglais ? Il est évidemment plus qu'anglais, c'est l'anglais des anglais. Ah, c'est l'anglais des anglais. Ah bah Winston Churchill. Non. Mais non, il est encore vivant. Hugh Grant ? Hugh Grant, non. Bah, le fils de la reine, là, celui qui a des oreilles. Le prince Charles, non. Ils ont tous des oreilles. Oui, lui un peu plus que les autres. Ce serait pas Roger Moore. Roger Moore, non. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit déjà ? C'est pas chez une connerie, mais il est écossais. C'est pas chez une connerie, il est écossais, effectivement. C'est quoi qu'il a dit déjà ? C'est quoi qu'il a dit ? Il a dit la célébrité, c'est d'être dérangé pendant qu'on mange. Jude Law. Par une quinquagénaire américaine à queue de cheval. David Niven. Non. Ah ben un Beatles ? Exact. Oui, Paul McCartney. Paul McCartney. Bonne réponse. De Franz Olivier Gisbert et Baptiste Le Caplain. Ah, c'est qu'est-ce qu'il a dit ? Bonne réponse de qui ? Bah de Baptiste Le Caplain et de Franz Olivier Gisbert. J'ai pas aidé. Il y avait une passe décisive quand même là. Je tombe dans tous les panneaux. Vous avez dit à Beatles, vous n'avez pas dit les noms. Mais enfin, ils sont tous morts. Non, ils sont pas tous morts d'abord. Il y en a plus que deux. J'y arrivais. Il reste Ringo Starr, c'est ça, hein ? Ouais, Paul McCartney. Ouais, ouais. Voilà, ça aurait pu être Ringo Starr. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs. Ils ont été très malins, Gisbert et Le Caplain. C'est quand même Isabelle qui a trouvé les Beatles. On a énormément travaillé. Je ne me bats pas avec des trémisettes roses. Voilà. C'est comme ça. S'il baisse comme il répond aux questions, qu'il ne s'étonne pas d'être cocu, hein, tous les deux. Je ne sais pas comment je dois le prendre parce que je ne réponds pas beaucoup, là. Skoda, partenaire officiel du Tour de France 2016 et RTL, vous offre un pack VIP pour deux personnes avec, entre autres, un survol en hélicoptère de la 10e étape du Tour de France. Ça sera le 12 juillet prochain dans les Pyrénées de Escalde en Gordanie jusqu'à Revel. Vous aurez le privilège de vivre les meilleurs moments de la course au plus proche des coureurs. Rendez-vous donc demain entre 4h30 et 7h dans RTL Petit Matin avec Stéphane Carpentier et Marina Giraudot pour découvrir l'indice du jour. Les grosses têtes sur RTL. Ah, quel beau match, Lionel ! Ah oui, Bodin tiré, c'est le... L'alerte discount spécial frais ! Aujourd'hui et demain, les cuisses de poulet aromatisées à la Provençale ou à la Mexicaine sont à 2,29€ le kilo, c'est Netto ! Netto, le discounter qui fait la différence. Barquet de 3 kilos environ, transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça. Tu retires des euros pour aller à l'Euro. Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Jeux réservés aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée ? Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés, sinon désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Si le canapé, je le mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. En belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. RTL. Et dans les grosses têtes, mais qui voilà avec sa drôle de voix ? RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes. Qui est l'invité mystère ? Oui, Isabelle, vous êtes qui ? Isabelle oui. Mergo est évidemment impatiente de savoir qui est dans la loge. J'espère que vous êtes une femme. Êtes-vous une femme ? Non. Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, soyez polis. Vous avez les cheveux noirs ? Non. Est-ce qu'à l'instar de Franz-Olivier Gisbert, vous portez des chemisettes ? Non. Vous détestez ça ? Oui. Ah, waouh ! Un homme de goût. Vous êtes barbu ? Un peu parce que, je me suis pas rasé ou genre, regardez comme j'ai de la barbe. Genre, je me suis pas rasé. Voilà. Oh, baroudeur, ah, baroudeur, oui. Je le sens bien, lui. Ah ouais, ouais. J'ai la flemme de me raser. Vous n'avez pas une cacaillerie ? vous êtes marié ? Oui. Ah. Des enfants ? Oui. Combien d'enfants ? Trois. Trois avec trois femmes différentes ou trois avec deux femmes différentes ? Trois femmes. Trois avec trois femmes différentes. C'est un liqueur. À chaque fois un enfant. Ah, quand même. Alors, est-ce que votre physique vous a beaucoup aidé pour la carrière que vous faites ? Je ne sais pas. Mais genre, on vous a envoyé beau gosse. Vous avez un physique d'extérieur ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est génial, ça. C'est quoi ? Non, c'est génial, ça. Mais c'est quoi un physique d'extérieur ? Bah, c'est-à-dire, est-ce que vous montrez votre physique ? Ou vous avez besoin de le montrer ? Mais attends, ou pas ? On m'a souvent dit que je n'avais pas un physique de radio. Donc vous êtes plutôt beau. Donc il est plutôt beau gosse. Et plutôt pas mal. Mais vous en servez dans votre métier. Le mec qui a trois enfants avec trois femmes différentes, c'est que déjà il tombe pas mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ou alors il est contre le stérilé. Vous avez un pseudonyme ? J'en ai eu un il y a longtemps. Je peux même le donner, le pseudonyme, parce que je suis pas sûr. Vous pensez que ça va aider mes camarades si je donne votre pseudonyme ? Je suis pas sûr. À l'époque, on vous appelait Paul Persavon, c'est ça ? Oui. Ah oui, alors là, vous n'étiez pas du tout connu à l'époque de Persavon. Vous faisiez de la pub, c'est vous le bébé cadom. Voici un premier indice musical. I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins. Just as black and whispering as the rain. Ça vous fait plaisir, j'imagine, d'entendre Bruce Springsteen, invité mystère. Je suis très ému. Et peut-être même Jean-Jacques Perroni est content d'entendre Bruce Springsteen. Oui, oui, oui. The Boss. Vous avez à voir avec la musique façon Springsteen, des choses comme ça ? Oui, un petit peu. Et en plus, la chanson de Springsteen qu'on vient d'entendre a un rapport direct avec la raison de ma visite aujourd'hui. Ah, donc on peut dire que vous êtes acteur ? Occasionnellement. Ah, vous faites plein de choses. Eh oui, il n'a pas fait que jouer d'ailleurs. Écoutez ce deuxième indice. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien. J'étais bande à part et boudeur. Je bouffais les mots des bouquins. J'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon. Ça, c'est un bon indice, hein, invité mystère aussi. Ah oui, excellent. Isabelle Mergaud propose Jean-Luc Reichmann. Pourquoi Jean-Luc Reichmann, Isabelle ? Parce qu'il a trois enfants avec trois femmes différentes. et qu'il était raillé quand il était enfant à cause de sa tache de vin. Ah oui, non, ce n'est pas du tout le rapport avec l'indice. Baptiste Le Caplain se rapproche plutôt, puisqu'il propose Philippe Torreton. C'est malin, n'est-ce pas, invité mystère ? Oui, c'est bien vu. Vous avez déjà joué à Napoléon ? Non, justement. Non. Quoi, non, justement. Mais non, parce que c'est Torreton qui l'a joué. Quel rapport si Torreton a joué Napoléon et pas lui ? C'est lui qui devait jouer Napoléon et finalement ça a été Torreton. Non. Bon, alors bref. Vous avez déjà joué dans des classiques ? Non. Voici un autre indice. Ah, Et ça, c'était un générique. D'ailleurs, Jean-Jacques Perroni, pendant ce générique, a identifié notre invité mystère. Bravo Jean-Jacques, vous êtes le premier. Baptiste Le Caplain pense à Michel Denisot. Ah, êtes-vous bon, Michel Denisot? Non. Non. Est-ce que vous chantez? Il vaut mieux pas. Voici non. Un autre indice cinématographique. Mon père est mort à la guerre. Mon frère se tue au travail. Et les salauds s'en moquent bien. Que l'on crève comme les chiens. Bravo à Baptiste Le Caplain, à Isabelle Mergot et à Franz-Olivier Gisbert. 4 grosses têtes sur 6 ont identifié notre invité. Ah, c'est bien. À part le couple Chantal Latsou, Pierre Boubi qui est déjà sur la plage en train de lire Proust. Les autres. Non, mais j'ai le générique, moi, mais j'arrive pas à retrouver. Les autres Chantal, peuvent, tu l'as cité, en plus. Les autres peuvent annoncer l'arrivée de notre invité mystère. C'est Antoine Decaune. Antoine Decaune, évidemment. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette ModuWork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebstorePro.com. Bonjour, je m'appelle Georges. J'ai un pouvoir extraordinaire. Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour, je m'appelle Georges et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. C'est le patron. T'as des nouvelles de Lidl? Ah oui, et des croustillantes, hein. En ce moment, les fines crêpes dentelles de Bretagne au beurre de la gamme Saveur de nos régions sont à 1,29€ la boîte de 85 grammes. Les fines crêpes dentelles de Bretagne sont à 1,29€ selon la recette pur beurre de Quimper? Tout à fait, au beurre. Ah, vous êtes un fin connaisseur, patron, hein. Oui, bon, on compte vraiment pour... Pour du beurre, bah je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,18€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, la suite et bientôt la fin, puisque 18h vont bientôt sonner sur RTL. Et il sera l'heure de céder la place à RTL Soir et à Marc-Olivier Fogiel, qui recevra Jean-Luc Mélenchon et aussi Patricia Gucci, la fille de Paolo Gucci. Mais tout de suite, on vous retrouve, Laurent Ruquier, les grosses têtes avec votre invité. Antoine Decaune était bien notre invité mystère. Chaque année, à peu près à la même époque, nous avons la chance de nous revoir, cher Antoine, pour les Solidays. Et vous nous annoncez le programme du week-end qui vient. C'est le week-end qui vient ou c'est dans 2 week-ends? Non, ça démarre après-demain, vendredi. Et voilà, c'est ça, c'est ce week-end. Nous sommes bien mercredi, là. Et oui, normalement. D'accord, c'est après-demain. Et ça démarre à 16h et ça dure pendant 3 jours à l'hippodrome de Longchamp. Ouais, tu peux mettre le son un peu plus bas, j'habite à côté, c'est l'enfer. Le baisser, le baisser. On s'arrête. Chantal, on s'arrête à minuit. On s'arrête à minuit. Et c'est près de Longchamp? Vous habitez près de Longchamp, vous? Oui. Ah, ça alors? Oui, oui, donc alors j'entends beaucoup Solidays. Terrible. J'en suis flatté. Mais j'aime beaucoup. Hein, bah, écoutez, j'adore, hein. Vous allez être contente parce que vendredi, vous pourrez entendre, par exemple, The Avener, c'est pas mal. Fada Freddy, très jolie voix, incroyable voix. J'ai écouté l'album, c'est fantastique. Ouais. Feu Chatterton, Célassiou, ça c'est pour samedi. Kezia Jones, Angélique Kidjo, Oxmo Puccino. Et puis dimanche, vous aurez Louise Attaque, Ibrahim Malouf, Louane. Vous aimez Louane? Alors tu peux monter le son. C'est le jour 1. Il y a 80 concerts en 3 jours quand même. 80 concerts contre le sida, c'est ce qui a aidé évidemment peut-être Baptiste Le Caplain grâce à la chanson sur Philadelphia et Bruce Springsteen. Le boss, là, ça a plutôt aidé Jean-Jacques Perroni. Il faut dire que vous êtes un fou de Springsteen, toujours aujourd'hui. Toujours, toujours. Oui, fidèle. Il aurait pu dormir chez moi, j'habite pas loin. Je vais lui proposer Chantal, je vais lui proposer. C'est pas possible. Non, mais ce sera peut-être un argument décisif. J'imagine bien Bruce Springsteen chez Chantal là-dessous. Vous voyez, il rentre aux États-Unis, j'ai été hébergé chez une dingue. Quelques chiffres quand même. Rappelons que 37 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde, 17 millions l'ignorent. En France, 150 000 individus sont toujours atteints du sida, dont 30 000 qui ne le savent pas. Ça, c'est important. 30 000 personnes qui ne le savent pas. Alors, comment on sait qu'ils ne le savent pas? Ben oui, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais il y en a 30 000 qui ne le savent pas et nous, on le sait. C'est faut... vrai. Elle a raison. Là, non, faut leur dire. Ouais. Faut leur dire. Ah, il est temps que ça s'arrête. J'ai un coup de nuit, moi. Là. C'est terrible ici. J'ai beaucoup de mal, Antoine. Vous savez. Je vois. Ah, mais faut dire que j'ai des intellectuels. C'est des fourchettes statistiques. Ah, des fourchettes, ils estiment qu'il y a 30 000 personnes qui sont porteuses sans le savoir. Et ce qu'on sait, en tout cas, et ça, on en est sûr, c'est qu'il y a à peu près 6 600 nouvelles contaminations par an. Ça n'est pas fini, il faut le dire. Et les Solidays, c'est évidemment pour récolter des fonds, toujours pour lutter contre le sida. Absolument. C'est à la fois pour récolter des fonds, pour continuer à marteler ce message de prévention, savoir qu'il y a un seul moyen de se préserver du virus, c'est de mettre des préservatifs. C'est donc attirer des gens sur ce site pour qu'ils aient à la fois de la musique, mais qu'ils écoutent aussi la parole de tous les gens qui travaillent dans les associations sur le terrain du sida en particulier, mais aussi sur le terrain de la solidarité au sens large. Donc voilà, c'est un très très bel événement. Il faut venir où alors justement? Quand on est de province et qu'on arrive à Paris, on descend où? À quel métro? Ah, à quel métro? Il y a des bus qui relaient depuis des bus, la porte Maillot. Oui, il y a des navettes à partir de la porte Maillot, ouais. Organisées par la ville. On peut dormir sur place, il y a un camping. Ouais. C'est pas place. Vrai. Oui. J'y serai. Je vous accueillerai personnellement, Chantal. Parce que j'ai un ami qui vous fournit les tentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'il y a là? On dit pas ça pour Solidays. Ça va encore déraper, hein, franchement. Je vais plutôt... J'ai pas compris, Chantal. Oui, j'ai bien compris, Chantal. Je vais plutôt réexpliquer, évidemment, les différents indices. Bruce Springsteen... Oh là, j'arrive jamais à le dire. The Boss, Bruce Springsteen. Évidemment, on a compris, on sait pourquoi. Napoléon, c'est parce que Antoine Decaune a réalisé le film dans lequel Philippe Torreton jouait Napoléon. Coluche, c'est aussi parce qu'il avait réalisé le film sur Coluche, avec François-Xavier de Maison, d'ailleurs, dans le rôle. Et le générique, c'était évidemment le générique du Grand Journal. Bon festival. Merci. Bon Solidays. On a parlé de votre papa, tiens, tout à l'heure. Oui. En bien, j'espère. Bah alors, en bien, pas forcément, parce que c'est évidemment... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Mais vous n'avez pas lu la presse aujourd'hui à cause de la disparition de Benoît Groult. De Benoît Groult. Vous êtes au fond le fils que Benoît Groult n'a pas eu avec votre papa. Oui, je sais. C'est un peu ça, puisque elle a eu, elle explique deux filles et que votre papa était furieux d'avoir. Il tenait absolument à avoir un fils et voilà, il a fini par m'avoir. Voilà, et c'est alors ce qu'on raconte dans toute la presse aujourd'hui. Je ne vous raconte pas les commentaires désobligeants à propos de votre père. Ça a été lamentable, profondément scandaleux. Et c'est... Si, c'est vrai, messieurs, dames. Hein. Voilà. Oui. C'est pas vrai. Non, et on a parlé de votre maman, Jacqueline Joubert. Antoine Decaune vient chaque année en juin, et c'est très généreux de sa part, nous parler des Solidays. C'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, 80 concerts. Merci Antoine Decaune. Venez nombreux. Merci. À demain. RTL, première radio de France. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, une manifestation quasi statique, quasi en mouvement et en tout cas une situation complètement ridicule. On a assisté aujourd'hui à une volte-face spectaculaire du gouvernement qui, après avoir interdit la manifestation contre la loi travail de demain, l'a finalement autorisée en validant un itinéraire extrêmement limité qui ressemble à un tour de pâté de maison. Alors dans RTL Soir, on va vous expliquer cette reculade en race campagne qui semble satisfaire les syndicats. À 18h20, Jean-Luc Mélenchon, qui dans un premier temps dénonçait un déni de démocratie, nous dira si demain il ira se dégourdir les jambes vers la place de la Bastille. Et à 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel sur ce compromis flottant. Le 18h, Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Veillée d'armes au Royaume-Uni, les Britanniques s'apprêtent à voter demain pour ou contre une sortie de l'Union Européenne. Un départ serait irréversible, prévient Paris. Les yeux d'Adélaïde qui fixent la cour d'assises du Pas-de-Calais. Image saisissante au procès de Fabienne Cabou, jugée pour avoir noyé sa fille de 15 mois sur une plage de Berck. Séquencer les génomes pour mieux soigner, 12 centres vont ouvrir en France. Un pas de plus vers une médecine personnalisée. Et puis des coups d'envoi, celui des soldes ce matin et ceux des matchs de l'Euro ce soir. Fin du suspense dans quelques heures, les Bleus connaîtront leurs futurs adversaires. La Bourse de Paris termine en hausse, plus 0,29% ce soir, un CAC 40 à 4380 points. Et puis les courses à Reims, il fallait jouer le 11, le 3, le 14, le 16 et le 7. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, journée nationale du don d'organes. Mais au fait, quelles sont les règles? Faut-il se porter candidat pour être donneur? Puis direction les coulisses de l'actualité, shopping, j'oublie tout. Les soldes ont donc commencé ce matin jusqu'au 2 août. On vous amène en coulisses dans un grand magasin où se vend une paire de chaussures toutes les 3 secondes. À 18h35, un conte de fées qui s'est mal terminé, l'incroyable saga d'Aldo Gucci, l'homme qui a développé la célèbre marque de luxe avant d'être trahi par les siens. Sa fille, Patricia Gucci, nous raconte ce soir ce Dallas à l'italienne. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Luc Baudin. Bonsoir Marc-Olivier. Demain de la chaleur, du soleil comme aujourd'hui et un peu d'orage. Oui exactement, une journée qui ressemblera à celle d'aujourd'hui puisqu'on aura beaucoup de soleil dans la plupart des régions, de la chaleur, des températures au moins aussi élevées qu'aujourd'hui. On ira jusqu'à 22-25 degrés même tout près de la Manche, 28 à 31 degrés dans toutes les autres régions et on franchira même comme aujourd'hui les 34-35 degrés dans les régions du sud-ouest ou encore dans le sud-est. Tout ça donc avec du soleil et quelques orages, vous l'avez dit, comme aujourd'hui, sera principalement dans le nord-ouest entre la Bretagne et le Nord-Pas de Calais, des Pays de la Loire à l'Île-de-France ou encore à la Champagne. Merci Louis, une belle journée ensoleillée, donc appréciée partout en France et notamment sur les bords du Rhône. J'ai sorti ma robe d'été avec des palmiers pour m'y croire, comme au bord de la plage. Ça donne la pêche, bon, ça fait plaisir, ça donne envie de se promener, de rester dehors, de sourire, on est content. On est posé tranquillement au bord du Rhône, super temps, c'est extra. On a acheté de la crème solaire parce que là c'est nécessaire. Et... très bon pour le moral, on est super content. Les filles sont belles, les gens sont souriants, la vie est belle, le Rhône est là. On est en t-shirt, en short, petite boisson fraîche. Que demander de plus? Recueillis ces réactions par Frédéric Perruche. RTL Soir. 1,6 km, pas plus, mais les opposants à la loi travail auront donc finalement le droit de manifester demain à Paris. Le cortège s'élancera de la place de la Bastille à 14h pour aller jusqu'au pont Morlon, tout près de la Seine, avant de revenir aussi sec le long du bassin de l'Arsenal. Un trajet extrêmement court, a souligné Bernard Cazeneuve, mais qui ne cache pas le chemin lui sinueux et la volte-face de l'exécutif sur un rassemblement qu'il voulait statique avant d'interdire la manifestation ce matin, puis de l'autoriser. Un couac de plus qu'on a du mal à comprendre, Olivier Bost. Eh bien, tout simplement parce que la décision d'interdire la manifestation, puis de l'autoriser, a été tortueuse. Manuel Valls poussait pour l'interdiction. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, n'était pas très chaud. François Hollande voulait, lui, envoyer un message de fermeté. Le résultat, c'est un beau cafouillage, comme le gouvernement en a le secret. À 9h, la manif est interdite, la gauche de la gauche se déchaîne, et à 12h30, la manifestation, nouvelle version, est autorisée. C'est Bernard Cazeneuve qui a arraché un compromis avec les syndicats. À l'Assemblée nationale, dans l'après-midi, Manuel Valls tente d'expliquer ce revirement et de vanter la cohésion du gouvernement. C'est la preuve que tout a été fait, tout, du côté des pouvoirs publics, c'est-à-dire, pour que les choses soient précises, du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ensemble, pour permettre cette expression démocratique. La manifestation aura lieu, mais je veux être clair, chacun devra faire preuve de la plus grande responsabilité afin d'éviter que les violences ne se reproduisent. Car la grande crainte maintenant de l'exécutif, c'est d'avoir de nouveaux débordements demain. Des débordements qu'il sera bien difficile de justifier après une journée comme celle d'aujourd'hui. Merci Olivier Bost du service politique.